Et salut à tous, bienvenue dans ce rendez-vous dissident qui ne lagra pas, hein, ce que je dis chaque semaine, mais là c'est fini. D'ailleurs je vous annonce, si vous me suivez sur Snapchat, sur Instagram, que la fibre, vous avez pu constater que la fibre optique traverse en ce moment même les parois de mon immeuble, et un esclave viendra l'installer dès jeudi prochain. Et donc pour les futurs lives, écoutez, ce sera ben 2018, on sera enfin au taquet niveau technologie. Donc bienvenue dans ce rendez-vous dissident numéro 8, qui est hebdomadaire chaque dimanche. Donc je vais d'abord procéder au petit rappel hebdomadaire. Alors vous devez réagir sur Twitter au hashtag RDVDissident. Je sais qu'il y en a qui réagissent dans le chat et qui se plaignent qu'on n'a pas lu dans le chat, mais en fait c'est parce que c'est vraiment trop le bordel. Par exemple, si je dis là tout de suite dans le chat, vous spammez Jawad, et bah voilà, vous allez mettre un message intelligent et puis 200 mecs vont spammer Jawad avec un smiley. Cette semaine, donc je procède comme d'habitude au petit rappel. Vous devez réagir sur Twitter au hashtag RDVDissident. Donc ce sera mieux, on aura plus de chances de vous lire. Surtout, vous pouvez mettre vos petits montages drôles. Le réalisateur sera au taquet pour les choper. Et par contre, si vous réagissez dans le chat, il y a moins de chances qu'on vous lise. Voilà. Donc hashtag RDVDissident sur Twitter. Vous trouverez dans la barre de description tous les liens pour la présentation des invités qu'on va faire juste après. Vous trouverez le lien pour les rediffs qui sont publiés chaque semaine sur la chaîne YouTube Raptor vs Wild. Et vous trouverez le lien pour le podcast audio. Que dire d'autre ? Dans la description, vous trouverez, comme d'habitude, le programme complet de l'émission, que je vais rappeler d'ailleurs tout de suite. Donc on va d'abord aborder l'Afrique du Sud, la réconciliation en Afrique du Sud plus précisément. Après, on parlera de Rokhaya Diallo, qui s'est illustré sur Touche pas à mon poste, hein, l'émission de Cyril Hanouna. Et le thème de la semaine sera les modérés. Ensuite, on passera aux bonnes nouvelles de la semaine. Cette semaine, il y en a pas mal. J'appellerai des gens pour le défi de la semaine, notamment quelqu'un qui veut monter une équipe. On en parlera après. Et écoutez, passons à la présentation un peu des invités. Donc Papacito, comme d'habitude, Papacito, t'es là. Comment ça va, Papacito ? Eh ben très bien. Je suis allé aujourd'hui à la Fnac des Halles pour aller voir si on était bien au top des ventes. On y est. Par contre, il y a encore une BD féministe qui est au-dessus de nous. On est que deuxième. Ah. Donc il faudrait déloger la féministe et mettre FDP au sommet. Voilà. Donc je compte sur. C'est scandaleux. Sur les followers. Donc la BD FDP de la mode. Vous avez un lien, elle est disponible sur Amazon. Disponible sur Amazon, dans les Fnac, dans toute librairie. Voilà, donc numéro 1 des ventes pendant une semaine. Et toujours en place. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà acheté. Et voilà. Ok, super. Pravina, salut, comment ça va ? Très bien, merci. Quoi de neuf ? Toujours. T'as une chaîne YouTube, Pravina. Une chaîne YouTube, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que t'as des nouvelles vidéos ? J'ai des nouvelles vidéos. Elles commencent à devenir de plus en plus une forme de révolte. Alors qu'elle était à la base d'une analyse portée sur l'analyse du comportement humain. On se demande pourquoi. D'accord. Et donc, non, ça se passe très bien. Parfait. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et bah, vous pouvez trouver le lien vers la chaîne YouTube de Pravina dans la description. Et on réaccueille cette semaine, on a le plaisir de réaccueillir Adrien Abouzi. Adrien, comment ça va ? Bah écoute, très bien, toujours ravi d'être ici, hein, et puis je profite de mon passage... Parle-nous de tes livres, parle-nous de ton livre. Alors oui, et de l'autre livre. Alors, vous savez, donc mon dernier bouquin qui est sorti, c'est « La France divisée contre elle-même », c'est un petit réquisitoire contre l'anti-France, pour comprendre comment on en est arrivé là et comment en sortir. Et je me permets aussi de faire un peu la pub de notre auteur qu'on publie aux éditions Altitude, qui est Romain Guérin, et le journal d'Anne France. Et si tu le permets, mon cher Raptor, j'aimerais faire une grosse dédicace à tous les frères qui sont au web, c'est une part. au Terre-Terre, à l'Algérie, à Marseille, et à l'équipe des Fenech, que je soutiens. Alors, spécial, vraiment, Tahjezeir, vraiment, là, on est entre nous, Mostaganem, vraiment, je voudrais saluer ma ville, Mostaganem au bled, je vous aime. Et les frères au Hebs. On a bien compris. Donc, vous trouverez les liens vers le livre, donc La France divisée contre elle-même, d'Adrien Abouzi, dans la description. Vous trouverez le lien pour le journal d'Anne France, de Romain Guérin, dans la description aussi. Cette semaine, Adrien m'a promis qu'il allait parler de façon dynamique et qu'il allait élever le ton. Est-ce qu'on a des tweets à lire ? On a un nouveau lecteur de tweets, incroyable. Oui, on a Fischer. Fischer, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Très bien. Est-ce que tu as 2-3 tweets à nous lire, Fischer ? Parle fort, parce que... Oui, il y a le Ligérien qui dit « La chasse au cuc est ouverte ». Parle plus fort, s'il te plaît. D'accord. Et le cochon halal qui dit « Envoyez l'immonde Diallo en PLS ». Eh ben, très bien, on va s'en occuper. C'était pas très français d'envoyer en PLS, mais on a compris le message. Écoutez, sans plus attendre, on va passer à l'actu de la semaine. L'article de la semaine, cette semaine, ce qui m'a intéressé, c'était un petit peu le côté réconciliation qui se passe en Afrique du Sud. Donc c'est assez loin quand même d'ici, mais on a des phénomènes assez proches au niveau réconciliation en France. Et donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que elle a un passé d'apartheid. Hein. On connaît Nelson Mandela, voilà, il y avait les Noirs d'un côté, les Blancs d'un côté. Ça a été enlevé. Et il se trouve que il y a des élections qui se préparent en 2019, des élections présidentielles. Dans les candidats à cette élection, il existe un personnage. Ah, j'ai oublié son nom, quelqu'un là. Mena, ou je sais pas. Oui. Bref, il existe un personnage. c'est pas très sérieux. On va retrouver le nom. Julius Mena, je crois. Qui est donc, je crois qu'il est très très attaché à la communauté noire, donc. Et il est assez revanchard, très vengeur, très agressif. Et donc, ni plus ni moins, son programme politique, c'est d'exproprier les Blancs de leur possession et en fait de rendre l'Afrique du Sud aux Noirs, entre guillemets. On va en reparler. Et donc, il est passé dans l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud une loi proposée par cet individu-là, qui en fait vise à exproprier de leurs terres agricoles les Blancs. Voilà, c'est comme ça. Alors la situation actuelle, c'est que 73% de ces terres agricoles sont possédées par les Blancs. À l'époque de l'apartheid, c'était 82%, donc actuellement c'est 73%. Et donc l'Assemblée nationale a accepté en majorité cette loi tout simplement d'expropriation et de réappropriation, de redistribution aux Noirs. Voilà, c'est dit en ces termes-là. Et donc cette personne-là, Julius, a de grandes chances, en tout cas, d'être élu président, puisque il montre dans sa campagne aussi les dérives d'anciens présidents et de l'actuel. Et donc notamment, en fait, c'est ce qu'on retrouve souvent dans ce qu'on appelle des dictatures africaines. Ce qu'on retrouve un petit peu dans les gouvernements, c'est-à-dire beaucoup de corruption, des présidents milliardaires, etc. Et je trouvais que le sujet était vraiment intéressant, parce que il va nous permettre de parler de pas mal de choses, notamment de ce qui s'est passé au Zimbabwe précédemment, d'une certaine mentalité de revanche, de revendication, d'un droit au sol, d'un droit, etc. Et donc, voilà, ça c'était pour le résumé de l'histoire. Qui veut prendre la parole tout de suite là-dessus ? Adrien. Je commencerai par quelques dates et quelques chiffres si tu veux bien. Vas-y. 1642, arrivée des Hollandais à la région du Cap. À l'époque, les populations noires les plus proches sont situées à plus de 1000 km, il faut le savoir. En 1770, le contact s'établit entre les populations blanches et les populations noires, avec un certain nombre de conflits entre elles. En 1835, il y a ce qu'on appelle le Grand Trek, c'est-à-dire que pour protester contre l'impérialisme britannique, il y a une partie des Afrikaners qui montent vers le nord. Et à ce moment-là, ils s'emparent de terres qui autrefois appartenaient à des ethnies noires. Mais pourquoi en l'occurrence, elles ne l'étaient plus? Parce que ces ethnies-là s'étaient pris les dérouiller par d'autres ethnies. Tout ça pour dire que sur une très large partie du territoire sud-africain, il n'y a pas d'antériorité des Noirs par rapport aux Blancs. Donc quand on parle de réappropriation et de dépossession, les termes sont inappropriés. Papacito ? Oui, je voulais interrompre Adrien juste pour préciser au public, les Afrikaners, pour dire en fait qui sont les Afrikaners sont les descendants des premiers colons de comptoir. Alors, ce ne sont même pas des colons, ce sont des découvreurs, parce qu'en fait, ils sont venus coloniser une terre, certes, mais pas au détriment de quelqu'un d'autre, puisque la région était déserte. Alors pourquoi la région était déserte ? Ça, c'est encore quelque chose qui est intéressant dans l'histoire de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, l'ethnie majoritaire, mais à très grande proportion, sont les Zoulous. Et les Zoulous, et notamment leur chef à l'époque, Chaka Zoulou, qui est une sommité qui est vraiment adorée par tous les afro-centristes et les afro-revendicatifs, Chaka Zoulou est la personne qui a commis le plus de meurtres en Afrique, Puisque je crois qu'il avait, alors il faudrait il faudra croiser les sources parce que selon les organisateurs et selon l'université de Bamako, c'est différent. Ce qui explique pourquoi il est chef de tribu. Peut-être. En tout cas, il aurait tué environ 2 millions de personnes. Ah. Pour étendre son royaume zoulou vers le nord. Donc le sud, quand les Hollandais sont arrivés, parce qu'il faut savoir que les Portugais ont d'abord ouvert la voie en passant Magellan notamment, au Cap, et ensuite les Hollandais ont construit des ports pour commercer sur des terres qui étaient vierges. Donc ils ont découvert des terres, et selon la loi humaine et universelle, la terre qui est découverte par quelqu'un lui appartient à partir du moment où il la travaille, il la pérennise. Voilà. Donc déjà, c'est important pour la suite des débats, que les gens comprennent bien qu'on n'est pas au Sénégal, on n'est pas au Congo, on n'est pas sur une arrivée des Blancs au détriment des Noirs. Non. C'est une terre découverte par les Blancs, administrée et travaillée par les Blancs. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'autochtones, en fait. Ils sont tous arrivés à un moment ou un autre, et donc la terre n'appartenait pas initialement à la population noire ou à la population blanche. Ok. Ouais, exactement, non, mais c'est vrai. C'est ça. Donc, en fait, on n'est pas dans le même rapport qui a pu exister dans d'autres pays exactement. Africains. Adrien, tu veux continuer ? Il y a un chiffre absolument hallucinant que j'ai pris de Bernard Lugan. C'est qu'entre 1994 et 2010, il y a eu 3000 fermiers blancs assassinés en Afrique du Sud. 3000. Ce qui fait en gros... C'est quoi les dates, pardon ? Entre 1994 et 2010. D'accord, 3000. Donc c'est très récent. Donc déjà, il y avait une entreprise je dis pas d'extermination, mais de disparition de certaines populations. Et apparemment, donc, l'enjeu est extrêmement symbolique pour les populations autochtones. Ouais. C'est ça qui m'a un petit peu choqué, c'est en fait comme on dit, le racisme décomplexé, si tu veux. Alors il y a le racisme décomplexé qui est verbal, et puis il y a celui qui est avec des machettes, tu vois. Et moi j'avais vu, alors il y a des reportages de Lorraine Southern, notamment, vous pourrez taper sur YouTube. Moi j'avais vu des familles donc blanches qui rentraient chez eux en 4x4 ou je sais pas quoi, et au moment où ils entraient pour aller se garer, t'avais des mecs qui arrivaient et qui faisaient des drifts, tu vois. Et comme tu dis, ils mettent le coup de frein à main, ouais. Ils font des dérapages. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est ça, mais c'est aussi la réaction des Blancs, tu vois. C'est-à-dire que les mecs ont directement fait marche arrière, dérapage, sont partis. En fait, ces gens-là ont l'habitude. Ils ont l'habitude de se faire attaquer dans leur logement, dans un truc. Dès qu'ils ont un petit moment de faiblesse, ils ont cette habitude-là. Et en fait, quand j'ai vu les décisions et la politique menée dans le pays... En fait, j'ai l'impression que ça va aller de pire en pire. Et j'ai vu à travers donc, les reportages de Lorraine Southern que, réellement, les Blancs subissent des attaques parce qu'ils sont Blancs, parce qu'ils ont du terrain, ils ont des propriétés, etc. Et en fait, c'est répété, c'est des viols, c'est des massacres, quoi. Et ça m'avait assez choqué, Papasto. Alors, pour bien comprendre en Afrique du Sud, par rapport à la violence que tu évoques, ouais. Ce qui est intéressant de noter en Afrique du Sud, c'est qu'on n'a pas simplement une force colonisatrice militaire d'un pays européen ultra-puissant, style l'Angleterre, l'Espagne ou la France. On a des entrepreneurs protestants hollandais, donc vraiment avec une grande culture de progresser par le travail personnel et s'élever socialement par le travail personnel. Une mentalité qui a fait souche aux États-Unis et qui d'ailleurs est le paradigme culturel aux États-Unis. Bon. Il y a cet aspect-là, cette conception-là de la possession, d'accord, qui est vraiment la terre que je travaille donnée par Dieu, par la grâce de Dieu. Et en face, il y a une ethnie, une nation en fait, puisqu'on parle des nations zoulous, une nation gigantesque et qui en plus a connu elle-même une forme d'impérialisme en Afrique. C'est-à-dire que c'est pas simplement une ethnie bantoue perdue dans sa jungle ou qui n'a pas de velléité conquérante, c'est qu'on est vraiment face à deux conceptions en fait territoriales. Qui ne peuvent être que antagonistes. Et peut-être qu'à la lumière de ça, on peut comprendre que la colonisation, par exemple, du Sénégal, où il n'y a pas eu d'apartheid par les Français, nous montre à quel point, justement, finalement, quand on met en comparaison les deux cas, finalement, les Français ont créé quand même des endroits pérennes en Afrique. Ils ont créé des colonies qui étaient, alors, justes, j'irai pas jusqu'à dire justes, mais en tout cas, qui étaient beaucoup plus favorables entre guillemets à l'assimilation et à la croissance économique des autochtones que par exemple l'Afrique du Sud où c'est vraiment la terre doit être travaillée par le blanc et le noir il faut qu'il se débrouille lui à travailler sa terre. Ce qui s'est passé c'est que les uns ils ont réussi à pérenniser le pays et les autres se sont retrouvés à devoir venir demander du travail aux blancs en Afrique. Et c'est là en fait moi à mon avis c'est là où on est dans l'œil du cyclone, quoi. C'est là où on est dans le truc problématique, c'est-à-dire que symboliquement, c'est une ethnie étrangère qui vient demander à des autochtones blancs en Afrique du travail. Et de là vient tout le problème et tout le nœud racial de la chose. Et donc le discours de ce Julius Mema, je crois, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Son discours, c'est les blancs ont trop de propriétés, il est hors de question que des étrangers sur notre territoire aient plus que les locaux. Donc derrière, il a toute une idéologie communiste, parce qu'en fait, par le tribalisme qui est, je vais pas dire inhérent aux Congoïdes, quoi, mais le tribalisme est quand même extrêmement fort, la conscience de race, etc. Ils sont quasiment communistes, quoi. Bon, le problème, c'est que ça finit assez mal. Pourquoi ? Parce que apparemment, ça s'est déjà passé. Donc, vous trouvez dans l'article, je crois que c'est RT, je sais plus, l'article dans la description. Il y a déjà eu des expropriations de terrain, de fermes, et en fait, ça a foiré. Et donc, l'explication, c'est par manque de moyens. Mais par manque de connaissances. Donc en fait, il faudrait qu'on leur dise qu'il faut qu'il faut arroser les plantes et laisser pousser, tu vois. Et en fait, on peut faire le parallèle et ils le savent. Donc en fait, dans le discours de Julius Truc, de l'Assemblée, le président actuel a dit on ne fera pas les mêmes erreurs que les autres. Pourquoi ? Alors je vais vous dire pourquoi. Et Alex, tu peux nous mettre l'illustration du Zimbabwe. Le Zimbabwe a fait exactement ça avant, a mené cette politique, et a viré les Blancs. Leur a dit, bon, cassez-vous, donnez-moi votre ferme, nanana. 10 ans plus tard, en fait, ils n'ont pas réussi à exploiter les fermes. Ils n'ont pas réussi à obtenir une productivité. Tiens. Voilà, et en fait, ils sont arrivés dans une époque de grave famine. Donc, ils ont demandé des aides, etc., aux instances internationales. À qui ils les ont demandé les aides ? Aux instances internationales. Qui sont ? Européenne, occidentale. Voilà. Traduction. Pravina. Pour ajouter une précision, pourquoi ils n'ont pas réussi à exploiter les fermes, c'est que qu'ils soient blancs ou noirs, lorsqu'on exproprie un terrain d'un fermier, c'est pas seulement une position professionnelle qu'on va enlever, c'est tout le savoir-faire qui a été accumulé pendant des siècles. Et donc dans un pays où la situation économique n'est déjà pas favorable, le fait de priver le pays de ce savoir-faire va être aussi négatif pour le pays. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une chose qui m'étonne. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas le savoir-faire ? Est-ce que c'est-à-dire que sur toute l'étendue de l'Afrique, en fait, il y a que les blancs qui cultivaient, qui ont appris de leurs erreurs, etc. Et en fait, quand il dit, donc je vous ai dit, le président s'est inspiré de l'exemple du Zimbabwe qui a, avec le président qui a fini par appeler à la rescousse, il s'est humilié en rappelant les blancs. Ils ont dit s'il vous plaît, les blancs revenez. C'est quand même assez humiliant. C'est complètement humiliant. Et en fait, il a dit on va apprendre de nos erreurs. Et on reproduira pas le même expropriation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, pour moi, il y a deux solutions. Soit il va faire des blancs des professeurs, quoi. Ils vont transmettre le savoir aux noirs qui vont prendre la relève. Et en fait, soit il y aura de l'esclavage, quoi. C'est un des deux. Mais en fait, j'ai du mal à concevoir que les blancs se laissent transmettre un savoir pour se faire exproprier, virer de leur propriété. Adrien. Deux remarques en passant. Tout d'abord, on a évoqué donc 3000 fermiers assassinés, tu évoquais des coups de pression, on évoque des expropriations. Moi, je pose une question très simple. Où est Omar Sy ? Omar Sy, qui fait des vidéos sur les Rohingyas et compagnie. Je note que Omar Sy, ou tous les tocards du showbiz habituels, qui font des pétitions pour tout et n'importe quoi, on a des youtubeurs aussi. Ou que sais-je encore. Là, en l'occurrence, ces gens-là n'ont le droit à absolument aucune solidarité et il n'y a absolument aucune compassion pour les malheurs qu'ils vivent. Deuxièmement, il y a un propos de Papacito que je peux pas laisser passer. Quand on dit qu'il y a deux modèles de colonisation, on va dire protestant hollandais et français. Mais il n'y en a pas que deux. Mais c'est je dirais, les Français ont fait des choses dégueulasses quand même dans certaines zones de colonisation. Tu vois, quand ils ont apporté les mathématiques, les arts et les lettres, l'alphabet, le fer, tu peux pas laisser. Enfin voilà, évidemment, faut quand même reconnaître les crimes de la France de la colonisation. Quoi. C'est le gauchisme intergalactique. Heureusement qu'il y a encore des gens comme nous qui sont là pour d'ailleurs dénoncer les crimes de la colonisation. Papacito. Alors, tout à l'heure, ben justement, j'ai envie de faire une remarque à toi, puisqu'on va tous, se trahir, mais dans l'ordre. Salopard. Donc, tout à l'heure, tu as parlé des Congoïdes. Non, les Zoulous ne sont pas des Congoïdes, puisqu'en fait. C'est des Australoïdes. En fait, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les Bantous viennent peupler, donc ça prend un peu l'Afrique de l'Ouest et ça vient dans le centre. Et en fait, en dessous, les Zoulous sont. Alors, je crois que Monsieur Delescal les appelle les Capoïdes. Oui, voilà, les Capoïdes, qui est une souche en fait qui n'est pas exactement la même, qui est même différente de celle des peuplements d'Afrique centrale. Donc, ça nous amène encore une fois au tribalisme africain, et c'est intéressant de voir que ces choses-là perdurent, parce qu'en fait, il y a eu une grave crise en 2010 qui a forcé beaucoup de populations de pays frontaliers de l'Afrique du Sud, donc par exemple de la Namibie et d'autres, du Zimbabwe aussi, à venir, de la Zambie ou du Zimbabwe, je ne sais plus, ouais. Il faudra vérifier, à venir justement essayer de... Et des Nigériens, beaucoup de Nigériens, voilà, à essayer de venir trouver du travail en Afrique du Sud. Les Nigériens dans la spécialité, le chien rôti. Voilà, bon. Et en fait, ces Nigériens-là, ces Zimbabwéens, ces Namibiens sont venus essayer de profiter un peu du pays de leurs frères Zoulous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations dans toutes les grandes villes d'Afrique du Sud pour faire la chasse aux émigrés nigérians. Donc ça a même fait à un moment une espèce de conflit géopolitique entre Nigeria et l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont beaucoup de ressortissants nigériens en Afrique du Sud qui se font... alors certains se sont fait lyncher, et en fait on a assisté à des scènes qui n'avaient plus existé depuis la colonisation en fait. Donc c'est très drôle de voir que finalement il y a l'espèce de Black United qui nous est présenté en nous disant voilà, il faut partir les blancs parce qu'il faut rendre aux noirs, au grand peuple noir d'Afrique cette grande unité informe sans disparité, il faut lui rendre sa terre. Mais par contre, quand d'autres Africains viennent essayer de profiter de la situation économique d'Afrique du Sud, eh ben là, les opprimés d'hier se font les bourreaux d'aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est très intéressant de constater, et c'est pas le seul endroit en Afrique, je vais juste finir là-dessus. Ouais. Les Rwandais qui se sont fait massacrer pendant le génocide du Rwanda se sont réfugiés au Congo, et devine ce qu'ils ont fait au Congo ? Un génocide. Oui. Classique. Pravina ? Justement, pour rebondir là-dessus, ce qu'on observe dans l'histoire, dans énormément de pays, c'est qu'un peuple qui a vécu la ségrégation raciale, dès lors qu'elle se retrouve au pouvoir, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle se venge. Et je crois que dans tout ça, aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a une forme de... Il y a du racisme anti-blanc qui monte en Afrique du Sud. On reçoit de plus en plus de témoignages de personnes blanches qui disent qu'il y a des appels au génocide. Par exemple, quand on reprend l'exemple des fermiers, ils disaient que 40% des fermiers assassinés étaient blancs. C'était le chiffre que j'avais vu. Et 40%, on penserait que ce serait minoritaire, mais c'est énorme quand on sait que ça représente 8% de la population. Le chiffre qui est intéressant, excuse-moi, c'est 40% sont des blancs. Mais ils représentent 8%. 100%, et qui sont les 100% des meurtriers? Ah, ça, j'ai pas l'info. On n'a pas l'info. On n'a pas l'info. C'est bon, c'était juste pour... mais en gros, je pense que quand on parle de ce sujet, du coup, vu qu'il y a cet esprit de vengeance, on peut pas ignorer l'histoire de l'apartheid, et que dans cet inconscient ou conscient, il y a une forme de violence qui est légitimisée par une violence qui a existé précédemment. C'est-à-dire que la réaction, l'enseignement qui est tiré par les personnes qui ont subi ce genre de violence, c'est de faire une autre forme de violence. Ouais, la violence appelle la violence. Et Mandela, justement, elle est à l'encontre de ce cercle vicieux qui se répète en ne répondant pas à la violence par la violence. Et ça s'est arrêté avec lui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, on ne peut pas juger uniquement les effets présents qui sont négatifs sans faire un pas en arrière et se dire que... Enfin, tu vois, la problématique, c'est pas de se dire est-ce que c'est mal, mince, il y a du racisme anti-blanc, c'est pas bien. La problématique, c'est comment on fait pour arrêter ce cercle vicieux. Bah, tu vois, dans le discours de ce Julius, dont j'ai oublié le nom, il a dit il est temps de faire justice, tu vois. Et en fait, ils le savent très bien, il y a une volonté réelle de revanche par la violence. Et en fait, j'ai envie de dire, quelque part, on dirait qu'ils ne cherchent pas à créer. Ils ne cherchent pas à profiter peut-être de, parce que je suis désolé, mais l'Afrique du Sud c'est pas le Ghana quoi, c'est pas la jungle, c'est pas le Burkina Faso, c'est un endroit qui a c'est-à-dire que voilà, le truc a été quand même développé voilà, c'est un pays qui a été respectable, c'est-à-dire premier producteur d'or mondial. Voilà. La Chine est passée devant, mais... Et troisième du diamant, il me semble, après le Congo Kinshasa. Et il y a cette volonté toujours de, je sais pas, c'est peut-être historique, de détruire en fait, plutôt que d'essayer de passer passer le passé, tu vois, de passer outre le passé et de construire, de progresser. Non, il y a une volonté qui est de toute façon qui est raciale, d'éliminer l'ennemi de toujours, qui est le fléau mondial du point de vue africain noir, c'est le blanc. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera éliminé, en fait, ce sera la prospérité, ce sera le Wakanda, tu vois. Et ouais, Pravina. Je dirais pas que ce soit éliminer l'homme blanc, c'est éliminer. Enfin, la revanche, elle est pas contre l'homme blanc, parce que finalement, ça existe aussi au Rwanda, ça existe au Congo, ça existe même dans d'autres pays asiatiques. C'est éliminer, c'est une revanche sur le terrain géographique. Là, c'est l'homme blanc. Ouais, dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est l'homme blanc. C'est ça. Mais Adrien, il y a une question qu'il faut se poser aussi au bout d'un moment, c'est où ça va s'arrêter. concrètement, parce qu'il y a une dynamique qui est lancée actuellement qui n'aura pas de frein, puisque là, ce quand même, ce dont on parle, c'est d'une abolition du droit de propriété, ce qui est l'un des critères du totalitarisme, en ce qui en passant. Mais ceci étant dit, quand on évoque, donc, d'une part, les violences dont les Blancs sont victimes, et quand on évoque les violences entre Noirs qu'évoquait Papacito, on se rend compte que les lunettes... Attends, stop, ça vient de couper au niveau du stream. Ah non, ça va pas couper. C'est vrai. Ça vient de reprendre. C'était à zéro. Ah ouais, non. Vas-y. Donc je disais donc, les lunettes idéologiques qu'on nous met en France via le politiquement correct ne nous permettent pas de lire ces événements. Pourquoi ? Parce qu'en France, la question noire est abordée à travers la question des Noirs américains. Or, les Noirs américains, c'est un cas qui n'a strictement rien à voir. Les Noirs américains, c'est la population la plus déracinée de l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est vrai que c'est une catastrophe absolue. Ce sont des gens donc totalement déracinés, qui ont perdu leurs racines. Et là, effectivement, il y a un Black United qui veut dire quelque chose aux États-Unis. Mais en l'occurrence, ce Black United-là n'est absolument pas transposable en Afrique, où tous les antagonismes ancestraux ont perduré, et où, effectivement, ils n'ont pas tout à fait les méthodes de Martin Luther King, semble-t-il. Papacito. Alors, justement, ce que vient de dire Adrien est très intéressant, parce qu'il nous amène sur, en fait, la question de qu'est-ce qui fait qu'on déracialise les questions et qu'on peut faire la paix. Alors, ça va être intéressant, parce que Mandela a fait quelque chose de très courageux. C'est quand il était sorti de prison, il avait absolument tous ses geôliers. Voilà, il avait dit, maintenant, si on veut une nation prospère, il faut que j'ai la capacité, moi, de montrer l'exemple et de pardonner le tort qui a été fait. Bon. Et ça a marché un certain nombre d'années, jusqu'à ce que revienne le péril principal de l'Afrique, qui est le tribalisme. Et pourquoi l'Europe n'est pas sujet à ça ? L'Europe, donc les Blancs ne se pensent pas comme étant une communauté. Les Blancs se pensent comme étant un ensemble de valeurs. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on défend souvent. Et c'est la raison pour laquelle on arrive à assimiler. Ça nous vient beaucoup des Lumières. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça nous vient beaucoup des Lumières, ça. On a eu des heurts avec les Africains, avec les populations africaines. On a eu des heurts en Espagne pendant 8 siècles. On a eu des heurts à Jérusalem pour défendre nos pèlerins. On a eu des heurts contre les Ottomans. Mais en fait, on réfléchit en termes de séquences historiques. Et quand ces séquences historiques se ferment, on a la capacité de créer une société où on fait venir y compris des gens qui étaient nos ennemis il y a quelques années, au profit de la progression et de l'élévation de la nation. En Afrique, l'ethnie étant une grille de lecture centrale, avec des castes, mais y compris entre Africains, parce que c'est ce qu'oublie de nous, c'est ce que disait Adrien par rapport au Black United. Entre esclaves, tout va bien, puisque tout le monde a perdu ses... entre descendants d'esclaves. tout va bien, puisque tout le monde a perdu son statut social. Mais peut-être que si ces gens-là remontaient en arrière, ils verraient que le cousin de Wilder, eh ben, c'était la tribu des Mujambo, et qu'ils mettaient des tartes au cousin de Kobe Bryant, parce que Kobe Bryant, c'était une ethnie, une caste inférieure de la caste de Wilder. Sauf que ça, ils ne peuvent pas le savoir, puisqu'ils étaient complètement acculturés. D'ailleurs, je fais souvent la remarque, ils sont plus blancs que certains blancs qui sont en contact avec des populations noires. Parce qu'en fait, au final, ces gens-là ne parlent que anglais, ils parlent pas de dialecte africain. À partir du moment où tu es algérien et que tu parles le berbère, tu es plus africain qu'un afro-américain. C'est une réalité. Voilà, c'est très dur pour eux, mais voilà. Ils sont beaucoup mélangés. Parce que malgré tout, quand tu vois un afro-américain à la télé, tu finis par croire que c'est les noirs, et puis tout d'un coup, tu vois un documentaire d'Arte avec des mecs qui sont en train d'éclater des singes à la machette au milieu du Botswana, et tu te rends compte ce que c'est que africain et noir. Enfin, et afro-américain. Il y a quand même... voilà, si tu mets Will Smith au beau milieu d'une manifestation au Ghana, je suis pas sûr qu'il rentre avec les poches pleines à l'aéroport, tu vois. Et ça va peut-être celui qui va galoper le plus vite, finalement. Bon, bref. Et en fait, ce que nous montre cette affaire de l'Afrique du Sud, c'est que nous avons affaire, parce qu'on a toujours... Nos chers amis de gauche ont cette lecture très universaliste. Ils croient que tous les continents pensent de la même chose. C'est faux. L'Afrique est profondément ethnicisée. Elle est profondément ancrée dans des considérations de caste et de délimitation raciale. Et d'ailleurs, les Zoulous sont différents physiquement des Congolais, qui sont différents physiquement des Sénégalais. Et entre eux, ils le voient. Et c'est de cette façon-là qu'ils arrivent à se faire des massacres. Voilà. Donc, si tu veux, l'antagonisme avec les Blancs n'est qu'une application de la culture de masse africaine de l'ethnie. Très bien. Écoute, on va lire quelques tweets avec Fischer. Fischer, est-ce que tu as des tweets ? Alors, il y a Dr. Kate qui demande « Les Sud-Africains jaloux de la croissance du Zimbabwe ?» Ensuite, il y a Suicidal qui dit « Cela s'explique par les gènes congoïdes, donc noirs, donc chasseurs-cueilleurs, CQFD. » Et enfin, il y a... Louison Coty qui dit « Les peuples noirs n'arrivent pas à se, mettre en, à se remettre en cause et ne font que trop souvent reporter la faute sur les blancs, quelle que soit l'action. » Et tu sais que, bah, on va parler tout à l'heure avec Roca et Diallo, mais je pense qu'il y a une volonté aussi de tous ces agitateurs blancs, enfin plus ou moins blancs, quoi, de les faire se rediriger dans cette mentalité de la remise en cause du blanc. Parce que peut-être qu'ils, tu vois, ils savent que ça entraîne leur non-développement, peut-être. On va lire quelques dons. Alors, on a... c'est lequel le premier ? C'est... Alors, on a Thomas Crook. Thomas Crook, merci à toi. Bah, il n'y a pas mis de message, c'est dommage. Mais merci à toi. On a La Chance qui nous dit « Salut à tous, mention spéciale à Papacito que j'ai découvert grâce au live. C'est un vrai plaisir de t'écouter. » Il apprécie. Merci. Merci à tous pour ces RDV qui rassemblent ce que deviendront un jour ou l'autre de véritables équipes. Pas de chance, à gauche. Et là, exactement. Merci à toi. Lily Jacobi. Merci à toi. Ma cotisation au génie caucasoïde et mongoloïde contre le cancer du cerveau. Bah, très bien. Écoute, on ajoutera ça à la cagnotte. Axel qui nous dit rémigration de Roca et Diallo avec RPNL. C'est vrai, RPNL, très très bonne compagnie aérienne. Merci à toi. Australo, qui nous dit Raptor, tu es le mec en qui je me reconnaissais le plus niveau dissidence. Bah, merci à toi. Les gens vont rager, ils vont dire Raptor conformiste, il est pas dissident. Et big up à Papacito pour ses punchlines. Belle découverte de ses lives. Merci à toi. C'est la première fois que je donne de l'argent à quelqu'un. On se sent généreux. On se sent généreux. Non. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Farad, ou Ashkenaz, parce que là, première fois, le mec, c'est... Oh, le suicide du live. Captif, merci à toi qui nous dit merci pour Guérilla de Overton. On va avoir Overton d'ici quelques émissions. D'ailleurs, je vous annonce, on va avoir Code Reno la semaine prochaine. Ensuite, Frédéric Delavier. Et ensuite, Julien Rochdy. Et ensuite, Dr. TN, peut-être, pour ceux qui connaissent. Donc je relis, merci pour Gaïa de Overton, génial. En étant suisse, j'ai du mal à avaler cette déchéance de la France décrite dans le livre. Je comprends mieux pourquoi Abosi dit que le gauchisme est une maladie mentale. Et c'est pas le seul à le dire. Écoutez, merci. On va revenir sur ce sujet. Moi, je voulais vous demander votre avis sur peut-être une dernière chose avant qu'on passe à la suite. C'est notamment les réactions sur Twitter de la communauté noire en France qui dit bien fait, cassez-vous. Les bienfaits des blancs, cassez-vous, l'Afrique aux Africains. C'était ça que je voulais mettre comme titre de live de base, c'était l'Afrique aux Africains. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Papacito ? Mais alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure on a dit les Africains ne veulent pas voir ça. Alors si, les Africains savent pertinemment que leur pays, et que c'est-à-dire ceux qui vivent en Europe savent pertinemment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vivent en Europe, Roca et Diallo vit dans le 16e arrondissement, elle ne vit pas à Est-Foire, à Dakar. Voilà. Donc, pourquoi elle vit en France ? Parce qu'elle y trouve une certaine stabilité. Et ces gens-là qui ont choisi de s'établir en France savent pourquoi ils le font, parce qu'ils veulent réchapper. En fait, ils préfèrent aimer une Afrique utopiste. Ils préfèrent aimer un Wakanda fantasmé depuis la France qu'aller vivre la réalité africaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même si j'ai beaucoup, beaucoup de désaccords avec Kémi Séba, Kémi Séba a au moins la décence et le courage moral d'aller vivre en Afrique et donc de vivre cette africanité qu'il défend. Donc même si je suis pas d'accord avec lui, par exemple, je l'ai en beaucoup plus grande estime que Roca et Diallo, qui nous fait des leçons sur l'Afrique et sur la beauté, à quel point c'est génial d'y être, à quel point c'est génial de l'être. Sauf qu'elle n'y est presque jamais. Et quand elle y va, c'est avec un pouvoir d'achat européen. Elle refuse de faire connaissance avec ses ancêtres. Ben, c'est terrible. Adrien ? Non, mais j'ai rien à ajouter à ce que disait. C'est-à-dire que Kémi Séba, effectivement, a eu cette cohérence. Et je crois qu'il l'a mis à poil, hein, si c'est une façon de dire les choses. Beaucoup de grandes bouches qui parlent du bled tout le temps en permanence. Qui sont toujours dans un discours... d'accusation et un discours vindicatif vis-à-vis de la France, un discours de ressentiment, hein, il faut le dire. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que les Noirs africains, soit dit en passant. Hein. Et bon, voilà, rien d'autre à ajouter. Pravina, t'as quelque chose à ajouter ? Oui, en fait, quand on dit l'Afrique aux Africains, je pense que j'ai envie de dire que déjà, il faudra peut-être commencer à penser l'Afrique pas comme un pays, mais comme un continent, ce qu'il est, et que chaque État est différent avec une histoire différente, donc ce genre de phrase n'a pas sa place. Ok, très bien, Papesto. Une dernière chose, parce que là, récemment, s'est réveillé le problème, vous savez, au Mali, parce qu'en fait, les contours des pays de l'Afrique ont été faits par la colonisation. Donc, ce sont les Blancs qui ont fabriqué les pays que les mecs représentent au marché de Saint-Ouen. Ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire que les drapeaux qu'on voit au marché de Saint-Ouen ont été dessinés par des Blancs, en fait. Voilà. Bon, c'est... Coloriés. Voilà, ils ont été coloriés par des Blancs. Voilà. Donc, Des gens qui nous détestent en revendiquant un territoire que un mec à moustache avec la tête de Bernard Lugan a fait sur une carte en 1810. C'est très drôle. Bon, bref. Et donc, actuellement, voilà, je vais venir au fait, juste, je finis là-dessus. Le Mali a été dessiné par un blanc, voilà, pendant la convention, je sais plus comment il s'appelle, là où ils se sont partagés l'Afrique. Et Berlin, 1885. Comment? C'est la conférence de Berlin. Berlin, voilà, c'est ça, merci. Et donc, il y a actuellement une population qui vit au nord du Mali, qui est Touareg, et qui dit, eh bien, puisque l'Afrique est en train d'être décolonisée, puisque maintenant elle a 60 ans de décolonisation, nous ne souhaitons plus être une colonie du Mali, et nous souhaitons créer notre propre état Touareg qui va s'appeler l'Azawad. Et là, bizarrement, Omar Sy, justement, tu l'as nommé tout à l'heure, tous les intellectuels noirs ne nous parlent pas de cette volonté de décolonisation-là. C'est-à-dire que des Touaregs sont en train de se dépêtrer d'une nation qu'ils n'ont pas demandé, puisque eux, ce sont des gens qui veulent voyager entre l'Algérie, et, enfin, en tout cas dans le Sahel, et ils n'ont pas vocation à être enfermés dans un pays, et ils ne veulent pas faire partie du Mali. Et là, c'est très drôle, parce que quand il s'agit d'expulser des Blancs, on se rappelle qu'il faut absolument décoloniser. Par contre, quand il y a des populations internes à des pays qui disent « Nous n'avons rien à voir avec ces frontières, nous n'avons rien à voir avec cette nation de pacotille qui a été dessinée par un Blanc », là, personne ne prend la parole dessus, et personne n'en parle, parce que ce sont des Noirs qui refusent la présence d'autres Noirs et qui veulent se dégager du nationalisme imposé par d'autres Noirs. Adrien, et on finira après. Concernant l'Afrique aux Africains aussi, c'est un discours qui n'est pas tenable d'un point de vue économique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique actuellement est le dernier secteur du monde, la dernière zone géographique du monde, où on peut avoir potentiellement des croissances à deux chiffres. Parce que les autres zones sont en gros... à deux chiffres, ça me fait rire. Non, vraiment, des zones d'Afrique qui sont en pleine expansion d'un point de vue économique. Parce que d'habitude, quand on entend à deux chiffres, on parle plutôt d'autre chose. Mais vas-y. Je comprends. mais donc, tu disais, c'est la dernière zone qui n'est pas saturée économiquement. Et à quoi assiste-t-on aujourd'hui, maintenant depuis plusieurs années, c'est que tous les États du monde qui ont des capitaux vont en Afrique. La Chine, l'Australie, l'Inde, Israël, l'Europe, etc. Il n'y a que la France qui recule parce qu'elle a un complexe colonial. Je rappelle qu'à Djibouti, il y a une base militaire chinoise de 10 000, dans laquelle il y a 10 000 soldats. Djibouti, ancienne colonie française, soit dit en passant. Les Chinois ont réussi à faire une razzia en Afrique ces dernières années. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Les Occidentaux, quand ils arrivaient, ils disaient « Bon, ok, on investit dans votre marché, mais vous faites un effort pour les droits de l'homme. » Les Chinois, ils arrivaient, ils disaient « Bon, ok, on investit dans votre marché, et puis c'est tout. » Voilà. Donc, comme ça, ils ont obtenu beaucoup de marchés. Ceci étant posé, les Chinois, les Africains reviennent, beaucoup des Chinois. Il y a une carte à jouer, d'ailleurs, pour la France. Hein. La France-Afrique, on en dit beaucoup de mal, à juste titre à certains égards. Non, à juste titre à certains égards. Mais c'est aussi une opportunité pour l'Afrique francophone à d'autres. Hein. Faut pas non plus l'oublier. Parce qu'il y a des besoins de capitaux, il y a des besoins de cadres. Donc l'Afrique aux Africains, actuellement, c'est pas du tout la dynamique qui est en marche. Actuellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tous les pays du monde se ruent sur l'Afrique qui est quand même qui a toutes les matières premières au monde. Hein. Il y a tout. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a absolument tout en Afrique. Hein. Et justement, par honnêteté, je pense que derrière cette phrase, ce qui est demandé, c'est que les richesses africaines soient exploitées par les États d'Afrique et pas par les États occidentaux ou autres. Oui, tu sais, sachant qu'ils le faisaient avant la colonisation, mais comme les colons sont venus après, ils ont empêché en fait l'exploitation de ces ressources. Je vois pas. Justement, il y a un pays qu'il est intéressant de nommer, l'Éthiopie. Je crois que t'allais dire le Wakanda. Non, l'Éthiopie. L'Éthiopie, la seule tentative de colonisation qu'il y a eu, c'est l'armée de Mussolini. Donc autant te dire que c'est le cirque Pender. voilà, avec les moyens qu'ils ont. Donc quand t'as conduit une Fiat, tu peux imaginer ce qu'est l'armée italienne. Donc ils ont pris une branlée monumentale en Éthiopie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ce pays devrait être le Wakanda, puisque ce pays n'a jamais été colonisé. Donc, quand on parle de Wakanda, en tout cas, quand le Wakanda est imaginé, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer, il existe. Ce pays qui n'a jamais été touché par la souillure blanche existe. Il s'appelle l'Éthiopie. Et figurez-vous que l'Éthiopie est en train d'être rachetée à coups de milliards par l'Arabie Saoudite. Toutes les terres du sud de l'Éthiopie sont rachetées en ce moment par l'Arabie Saoudite. Donc, les derniers Français vont s'en aller pour faire plaisir à la diaspora noire qui a plus jamais foutu un pied en Afrique depuis 25 ans et qui croit toujours qu'on est en 1990 et qu'il y a Mitterrand qui va aller filer des chèques ou Giscard qui va aller filer des chèques au Centrafrique. C'est plus du tout le cas. Là, ils vont se réveiller. Un jour, ils vont rentrer en Afrique. Ils vont se réveiller avec une colonisation chinoise, une colonisation d'Arabie Saoudite et plein de Libanais qui vendent plein de choses dans leur centre-ville parce que les gens ont oublié ça, en fait. On parlait des Chinois, mais les Chinois apportent leur main-d'œuvre, faut le savoir. Ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut même pas travailler les Africains. Tout à fait, mais même en Algérie. Hein. En Algérie, la Chine a obtenu beaucoup de marchés publics il y a quelques années, et c'est pas les Algériens qui en ont bénéficié d'un point de vue du travail. C'est les Chinois qui étaient les ouvriers des autoroutes. Etc. Alors ils travaillent pas non plus à Toulouse, donc au moins c'est écoutez, une uniformité culturelle. Écoutez, et un truc qui m'intéressait, c'était quand même la France-Afrique, mais ça va être un peu trop long, je pense. On va prendre quelques tweets, Fischer. Ouais. Vas-y. Alors, parle bien fort. Alors, il y a Teddy Boys qui dit « Tombola pour payer le RPNL Rokaya Diallo pour une petite visite guidée dans un ghetto au Libéria. » Ok. Et il y a aussi Teddy Boys qui dit également que « Le concept d'État conception européenne n'est pas quelque chose d'applicable à l'Afrique, voire l'Asie également. » Qui sont surtout des tribus, ethnies, castes. Ouais, c'est trop long. C'est trop long, sans balayer. Mais je suis pas d'accord, parce que la Chine, c'est typiquement la nation peuple. De toute façon, c'était un peu long, désolé. On va lire quelques noms. Alex, tu peux m'afficher un peu ça? Alors, je crois que ça commence avec Anto. Anto qui dit bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à toi. Merci pour vos lives. Donnant matière à réflexion de manière hebdomadaire et monter une équipe enculée. Bah, merci à toi. Putain, enculé pas. On a Fion de Chiappa qui nous dit Raptor, merci pour ton émission, toujours d'une extrême qualité. Vive la dissidence. Puissons-nous assister à la création d'un mouvement alt-right français. Pravina, il est temps de supprimer les restes de bien-pensance chez toi, plus tu es magnifique. Tu as entendu. D'accord. Voilà. Jean-Marie Fa. Y a-t-il un Discord pour la Fachosphère? À quand non. À quand voilà, c'est fait. À quand le retour du site de la Fachosphère? Je sais pas. Voici 2 euros pour envoyer une famille de migrants dans leur trou à merde. Putain, la violence. Très bien. Bon, écoutez, on va passer à la suite. En tout cas, je vous invite à vous intéresser au cas du Zimbabwe parce que c'est parlant. La suite, c'est le candle de la semaine. Écoutez, c'est parti. Ok, le candole de la semaine, c'est Rokaya Diallo. Alors, Rokaya Diallo, quand même, on en parle assez souvent. C'est un petit peu... c'est comme Franck Brusset, quoi. C'est notre bouffon. Voilà, il y a un côté récurrent qui vient avec Rokaya Diallo. Je me suis dit, cette semaine, elle s'est illustrée donc dans un petit clash avec Bernard de la Villardière sur l'émission... l'émission, ma foi, qui fait partie de la culture française, hein, Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna. Donc elle a fait un petit clash, je me suis dit bon c'est le moment d'en parler, de faire un peu sa biographie, de faire un récit un peu plus détaillé sur cette personne. Et donc je vais juste vous expliquer pour m'accrocher un peu à l'actualité ce qui s'est passé. Rokaya Diallo, donc qui est, on peut le dire, une afroféministe, une suprémaciste, moi je pense que c'est une suprémaciste noire, mais c'est ma conception. C'est ta conception. Bon, en tout cas, elle est afroféministe, c'est sûr. Elle soutient des spectacles, etc., réservés aux noirs, des festivals comme le celui organisé par Mozilla. C'est pas réservé aux noirs, c'est interdit aux blancs. Interdit aux... Ce qui est différent. Interdit aux blancs, réservé aux femmes noires. Non. Alors, il y avait ça. Il y a des variantes, en fait. Ouais, il y a des variantes, mais c'est surtout, la plupart du temps, c'est pour les racisés. Elle est membre du PIR, du Parti des Indigènes de la République. Bon, on va évoquer un petit peu tout son pédigré, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, elle s'est illustrée, donc elle est chroniqueuse sur TPMP. Tandis que je regarde pas, j'étais pas au courant. Ouais. Elle est chroniqueuse, donc on est sur de la politique sévère, quoi. Et donc, elle s'est engueulée avec Bernard David Hardière au sujet d'un reportage qu'elle a fait qui s'appelait Dossier Tabou. Et il enquêtait, c'est quoi? C'était dans les banlieues. Sur c'est quoi, la montée de l'islam, c'était? Oui, et puis l'interdiction à certaines femmes d'aller dans voilà, des bars. On rappellera que Benoît Hamon a dit que c'était une tradition des cafés populaires de Paris, des ouvriers, voilà. Et donc, ils se sont engueulés à ce propos-là, et je me suis dit, c'est le moment, on va en parler, Twitter en parle. Parlons-en. Donc, quelqu'un a envie de réagir pour commencer? Vas-y, Papacito. Ben, Rokaya Diallo, déjà, je vais un peu... retracer, enfin pas son parcours, mais en tout cas d'où elle vient. Présente-la. Oui, je vais la présenter. En fait, Rokaya Diallo, elle est issue donc de l'immigration. Ses parents, il me semble, sont sénégalo-gambiens. Et ses parents étaient plutôt des gens modestes. Et c'est étonnant parce que ce pays si raciste qu'est la France lui a quand même permis de devenir, d'être éligible au Conseil... Ce sale pays. Oui, ce sale pays raciste lui a quand même permis de devenir chroniqueuse dans une des émissions les plus suivies, alors que c'est une racisée, donc j'expliquerai le mot tout à l'heure. Elle a été éligible elle a été même proposée pour faire partie du Conseil national du numérique avant d'être virée. Parce qu'elle était trop Charlie. Elle était pas Charlie. Ouais, voilà. C'était pas pour son, pour ses propos racistes anti-blancs. Voilà. Elle a fait des études assez brillantes. Il faut le dire quand même. C'est quelqu'un qui est assez diplômé. Elle est passée par la Sorbonne. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a le parcours rêvé pour n'importe quel fils d'agriculteur. Qui a obtenu des bourses de l'État l'État de ce sale pays raciste français. Voilà. Et juste, j'aimerais finir. Donc là, je vous ai expliqué d'où elle vient et comment ça s'est passé pour elle. Donc voilà. Et alors, je me suis accroché avec elle, elle ne doit pas s'en souvenir, mais je me suis accroché avec elle sur Twitter une fois, où en fait, j'étais en train de lui expliquer que... Parce que j'ai appris... Je vais expliquer le thème racisé, je peux. Vas-y. En fait, racisé, c'est un thème qui a été amené par un peu les indigènes de la République. Voilà, je ne sais pas qui en est l'auteur exact, mais voilà, c'est un thème qui a été mis à la mode. C'est de la nouvelle langue, comme voilà. Fachosphère. Exactement. Et en fait, les racisés sont les gens qui portent des stigmates visibles, des marques... d'une ethnie différente de l'ethnie majoritaire en France, qui est l'ethnie blanche. Et donc, ils souffrent, par ces marqueurs, alors vestimentaires ou physiques, ils souffreraient d'un racisme institutionnalisé. Voilà. Et donc, qui s'illustre par le fait, ce racisme, qu'on leur donne des logements, des allocs, voilà, nourrir, loger, blanchir, etc. Ouais, chroniqueuse à des émissions. Alors, soyez en passant. J'avais fait remarquer à Rokhaya Diallo que il y avait plus de noirs à la télé que de gens qui avaient l'accent du sud-ouest. Et il suffit d'aller sur le, il suffit remarque, d'aller sur le, les commentaires de, des vidéos chaque semaine où il y a plein de gens. Le beauf du sud, voilà, avec son accent. Qui disent, ouais, papacito, le teubé avec l'accent du sud. Donc, mais, non, mais tout simplement parce que pendant 50 ans, les gens qui avaient l'accent du sud étaient des clowns, en fait. On a pris des gens pour, Patrick Bosseau. L'accent du sud, c'est pour être un clown. Et par contre, Harry Ruzelmak et Rokhaya Diallo sont des gens qui sont racisés. Donc moi, je demande aux gens, voilà, si vous voulez une preuve de ce que j'avance, comptez les gens qui ont l'accent du sud à la télé et qui ont de la visibilité, et comptez les noirs qui ont la télé, et dites-moi, là-dedans, qui a accès aux grands médias et qui n'y a pas accès. Qui d'autre ? Adrien ? Le petit truc à rajouter sur son CV à cette chère Rokhaya Diallo, c'est quand même qu'elle a été cooptée par l'ambassade américaine aussi. Hein. Très la French American... Je ne sais pas si c'est par la French American Foundation, mais en tout cas, elle a été cooptée par des programmes de l'ambassade américaine pour aller promouvoir je ne sais trop quoi d'ailleurs, soit en passant. Mais en tout état de cause, les États-Unis, qui ne sont pas toujours nos amis, hein, malheureusement, ont su... Comment vous dire ? Bizarrement, ils n'ont pas misé sur moi, tu vois. Ouais, ils ont misé sur Rokhaya. Voilà, ils ont misé sur Rokhaya Diallo. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quels critères ils sont basés. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, je pense qu'ils ont peut-être senti chez elle qu'elle pouvait potentiellement, par son discours, nuire à la cohésion de la société française, tout simplement. Papesto ? Ben, on est sur le modèle Menel. Menel, qu'est-ce que c'est ? C'est une femme très jolie, avec une très jolie voix et des compétences, qui sait bien s'exprimer, qui vient nous vendre, via le fait qu'elle chante bien, une certaine vision de la vestimentarité capillaire. Ouais. Voilà. Et on a de l'autre côté Rokhaya Diallo. Une femme, alors je sais que peu de nos auditeurs sont amateurs, mais c'est une très jolie africaine, Rokhaya Diallo, il faut quand même dire ce qu'il est. Et c'est pas innocent si cette femme-là, qui présente très bien, qui est très bien éduquée, qui a un parcours qui plaît aux gens de gauche. Elle a une voix supportable aussi. Hein. Mais ça dépend le contexte dans lequel elle est. Continue, Papacito. Et si tu veux, cette Rokhaya Diallo, c'est encore une fois le même emballage, le même petit bonbon bien emballé avec son petit, ses petits hauts italiens avec un peu de wax pour nous faire croire que. La sape africaine, c'est l'Italie avec du tissu hollandais dessus. Enfin bref. Et donc, en fait, cette femme-là est encore une fois un ambassadeur d'une idéologie extrêmement violente à l'égard des Blancs, mais bien présentée, bien emballée, qui connaît bien les rouages du système. Oui, tout à fait. Et qui sait comment nous amener à notre propre disparition avec la manière et avec le respect. Donc, c'est l'arme absolue. Et c'est pour ça qu'il faut absolument la combattre. Ravina ? J'y vais doucement, j'aime faire l'avocat du diable. Vas-y. Alors, déjà, je vais rebondir sur deux choses qui ont été dites. Je pense pas qu'on puisse nier le racisme parce qu'il n'y a pas éventuellement du racisme dans les institutions. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans la société. On ne peut pas non plus comparer le racisme noir avec la même enfin sur le même plan que le racisme pour l'accent du sud. Oui, mais pas le racisme. Parce qu'il n'y a pas de discrimination à cet égard. Non, il n'y a pas de discrimination qui existe dans la société à l'égard. Vas-y. Donc voilà. Et soit dit en passant. Après, Rokhaya Diallo, moi, je pense que le sujet qui est sous-jacent, donc elle fait une forme de discrimination positive, et ce qui est sous-jacent, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas universaliste et qui est plutôt communautariste. Communautariste, pas dans le sens péjoratif du terme, comme on l'entend, une communauté au détriment de l'autre, mais communautariste comme les pays anglo-saxons où on accepte l'idée que les communautés existent. Par exemple, enfin voilà, les pays anglo-saxons sont communautaristes, il y a des religions qui le sont, la religion chrétienne, bon, je la connais très peu, mais admet l'existence d'autres communautés. Oui, il y a Internet et communautaire, nous-mêmes, le YouTubeur, on parle à des communautés, donc des gens qui adhèrent à nos idées et avec qui on a des similarités. Donc elle, ce qu'elle... son langage, c'est celui d'une communautaire. Alors qu'en France, on navigue plutôt sur une idéologie universaliste, on fait tous partie de la communauté nationale. C'est finalement sa vision communautariste qui est critiquée aujourd'hui. Papacito ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'effectivement, elle a une vision communautariste, et d'ailleurs, c'est ce qui prouve, à mon avis, qu'elle a une filiation américaine, puisqu'elle importe les façons de voir des Afro-Américains. En fait. Des Afro-Américains, mais des Afro tout court. Des Africains, on l'a évoqué tout à l'heure. Et non, je pense pas parce que... Oui, alors, elle est dépositaire, effectivement, de sa culture, donc très certainement qu'il doit y avoir une forme de considération ethnique. Après ça, je vais pas lui faire de fausses intentions. Mais par contre, je pense qu'elle est très clairement affiliée, et ça, pour le coup, je l'ai vu à plusieurs reprises dans ses interventions. Elle est affiliée à cette conception anglo-saxonne et très états-unienne pour le coup, de l'espèce de tout noir qui se pense comme une communauté qui doit, si ce n'est triompher, en tout cas se faire une place de façon plus ou moins pacifique, voire violente, au sein de la France. Et elle n'est pas du tout dans un processus de dire aux gens, voilà, il faut vous intégrer, ça elle n'en veut pas. Elle leur dit, il faut que vous fassiez valoir la présence des Noirs en France pour convaincre les Français que la France, c'est aussi les communautés qu'on y a amenées récemment. Ravina. Alors, je crois que ça, par contre, c'est aussi une dérive, pas seulement forcément de Rokhaya Diallo, mais aussi de toutes les organisations antiracistes qui ont tendance, par leurs revendications, par leurs dénonciations, à faire ce qu'elles dénoncent, c'est-à-dire des stigmatisations, des échelles de souffrance, à être dans... Finalement, elles vont diviser bien plus que rassembler les gens autour de la communauté et de leur cause. Adrien ? Rokhaya Diallo a commencé dans une association antiraciste qui s'appelait à l'époque les Indivisibles, bon, qui n'a pas beaucoup prospéré. Les associations antiracistes, dont Rokhaya Diallo, puisqu'elle prétend lutter contre le racisme, pas contre le racisme anti-noir, contre le racisme. D'ailleurs, elle parle beaucoup au nom des musulmans, Rokhaya Diallo, alors qu'elle n'a pas l'air d'être une musulmane pratiquante. Peut-être l'est-elle, je ne sens rien. Elle a des relations avec Marwan Mohamed, qui serait proche des frères musulmans. Mais en tout état de cause, moi, la question que je pose à Rokhaya Diallo, c'est si elle défend le racisme, qu'est-ce qu'elle attend pour s'attaquer au principal racisme qui gangrène la France, le racisme au nom duquel on bolosse, au nom duquel on viole, au nom duquel on cogne, au nom duquel on dépouille, c'est-à-dire le racisme anti-blanc. Qu'est-ce qu'elle attend pour le faire, ça ? Mais ce n'est pas un racisme qui la concerne, puisque elle est représentante d'une communauté fantasmée qui serait le Black United Over the World, et qui en fait n'est pas son combat. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le racisme, combattre le racisme, c'est en fait combattre les blancs. Et j'aimerais vraiment orienter les auditeurs vers une émission excellente de Tepa qui avait débunké le cas Rokhaya Diallo. Vous tapez sur YouTube Tepa Rokhaya Diallo. Il fait une analyse très poussée, très intéressante. Et je ne sais pas si c'était avec toi, Adrien, peut-être. Si, oui. Voilà. On l'a déplaquémisé. Voilà. Et en fait, c'est le décodage pur et dur, approfondi, du cas Rokhaya Diallo avec toutes ses contradictions. Parce que c'est ça, le truc principal, c'est que c'est une femme qui est remplie de contradictions. Tu me permets de dire un mot d'histoire ? Vas-y, Adrien. C'est très rapide. C'est que le premier homme élu au suffrage universel, le premier homme noir élu au suffrage universel, c'était un député pendant la convention. En France, on a eu notre premier général noir, le général Dumas, donc le grand-père d'Alexandre Dumas, qui était un général noir. Les soldats noirs américains, quand ils sont venus en France en 1418, ils ont halluciné quand ils voyaient le fait que les noirs en France avaient les mêmes droits que les blancs. Pourquoi il n'y a pas de Martin Luther King en France ? Parce que juridiquement, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de ségrégation. Donc le racisme existe bien entendu, mais la France est le pays de très loin le moins raciste au monde, et c'est le pays où les noirs ont pu se faire une place sur la base de l'égalité des droits. Alors, c'est très très important. Ce sujet-là, je demande à tous les auditeurs d'ouvrir leurs oreilles. C'est très très important qu'on parle de l'antiracisme et du racisme. Ça sera un thème même prochainement. Mais là, on va commencer à entrer un petit peu plus dans le détail. Moi, si vous voulez, Rokhaya Diallo s'inscrit dans une idéologie revancharde qui souhaite tout simplement le contrôle total. En fait, je vais vous donner un élément de comparaison pour que vous compreniez. Est-ce que vous vous souvenez quand vous m'avez demandé où sont les gens qui sont pas d'accord, les oppositions, etc. Et je vous avais répondu, vous serez content que quand ce sera eux qui animeront l'émission et que je serai invité. En fait, y a une communauté noire en France que Rokhaya Diallo représente, voire même elle représente plus, qu'elle est afroféministe, etc., qui est dans la volonté, qui ne s'arrêtera pas tant que les Noirs n'auront pas remplacé complètement les Blancs dans toutes les institutions. Donc elle insistera pour qu'il y ait un Noir sur deux, d'abord 50%, etc. Toujours il y aura un problème parce que voilà, il y a les Blancs qui décident, et toujours ils ont cet esprit colonialiste, et c'est pas nous. Et c'est le seul intérêt de ces gens-là, c'est une volonté, comme en Afrique du Sud, de reconquérir tout. Et je trouve ça très, très en fait paradoxal que ces gens-là aient une rhétorique anticolonialiste. Et bon, ils peuvent avoir la rhétorique anticolonialiste qui était à l'époque de ce qu'on appelait la négritude, c'est-à-dire de tous ces auteurs, etc., noirs. Mais bon, c'était un petit peu plus lié à la colonisation. Là, je suis désolé, il y a plus trop de colonisation française en Afrique. Bon, certains nous diront qu'il y a des accords, blabla, ils achètent de l'uranium à 50%. Ce qui est vrai, ouais. Bientôt. Mais ça ne m'intéresse pas, ceux qui signent les contrats sont africains, bref. Et c'est marrant, donc c'est paradoxal qu'elle ait cette rhétorique de l'anticolonialisme, alors que derrière, elle cherche à faire quoi en France ? Elle cherche à coloniser la France avec le peuple noir. C'est tout simplement ça l'expression qu'elle n'assume pas. Et pour revenir au racisme, parce que je tiens vraiment à ce qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on ne considère pas le racisme anti-blanc en France ? L'excuse derrière ça, c'est qu'on ne peut pas être raciste d'une communauté qui est majoritaire démographiquement et qui, ce qui est en fait, ce qui n'a pas de sens, mais c'est ça l'explication, et qui dirige les institutions. Donc je rappellerai déjà que si ce sont des blancs qui dirigent les institutions, etc., en France, en Europe, c'est peut-être parce que le continent européen a été construit, a été créé, et d'ethnie et de race depuis toujours caucasoïde. Donc, tout simplement, il n'y avait pas de Noirs il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de... Enfin, je veux dire, c'est une question de bon sens, en fait. Et donc, en fait, si on interdit même l'existence du racisme anti-blanc, c'est que, quelque part, l'antiracisme, donc qui est voué à pourfendre le racisme, s'il ne prend pas en compte le racisme anti-blanc, c'est que l'antiracisme a pour rôle d'écraser, en fait, les Blancs qui essaieraient de se défendre, qui essaieraient de dire, voilà... les Noirs essayent de faire des trucs contre nous, essayent de se réunissent dans des collectifs interdits aux Blancs, etc. Il y a un problème. Et là, on les traite de racistes, et c'est là que l'antiracisme intervient, jamais dans le cas que je vous ai cité avant du racisme anti-blanc. Et donc, en fait, l'expression de l'antiracisme, c'est l'interdiction au peuple blanc de se défendre. Papacito. Non, c'est Pravina, pardon, Pravina. Je voudrais rajouter quelque chose sur la notion de racisme, parce que là, bon, on parle de racisme en termes quantitatifs, par exemple, en disant que tu disais que le racisme anti-blanc serait le racisme principal. Je pense qu'il y a différents en Île-de-France, c'est clair. Niveaux de... C'est Adrien qui dit ça. Oui, il y a différents niveaux de racisme. T'as le racisme très grossier, primaire, violent, qui peut exister contre les Blancs, mais t'as aussi un racisme... c'est quelque chose... le racisme, si on veut l'évaluer de manière quantitative, on ne peut pas ignorer le racisme inhérent et beaucoup plus subtil qui peut exister, cette forme de condescendance. Le racisme, ce n'est pas de dire seulement que l'autre est différent. Ça, c'est lorsqu'il y a une notion... C'est pas constater la différence, c'est lorsqu'il y a une notion de supériorité et d'infériorité. Et ce racisme inhérent, plus subtil, en termes quantitatifs, vise beaucoup plus les entre guillemets racisés que les Blancs. Adrien, je vais te rejoindre et je vais te dire qu'effectivement, le racisme... qui est présent aujourd'hui le plus dans la société française, c'est le paternalisme vis-à-vis de tout ce qui est non-blanc, tu vois. Et il faut dire que ce réflexe paternaliste, il vient d'où ? Est-ce qu'il vient de l'extrême droite aujourd'hui, le paternalisme ? Il vient de la gauche et de la droite antiraciste. Ce paternalisme de gauche est un pur racisme qui considère toujours que les Noirs, en fait, et les Maghrébins doivent être subordonnés plus ou moins aux Blancs, en quelque sorte, que... l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans nous, etc., etc. Donc je te rejoins sur ce racisme-là. Ce que j'entendais par là, tout à l'heure dans ma réflexion, c'est que le racisme haineux, méprisant du blanc contre les Noirs et les Maghrébins, moi je l'ai quasiment jamais vu dans ma vie. Je n'ai jamais vu à 100%, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Alors qu'en revanche, moi, des gens qui se font traiter de salgouères, de sale blanc et qui sont pulvérisés la tête à cause de ça, ça j'en ai vu beaucoup, tu vois. Et tous mes potes, ils sont passés au collège et au lycée quasiment. Pravina. Parce que c'est un racisme beaucoup moins visible et qui est présent. On peut le constater dans le milieu professionnel, on peut le constater dans plein de domaines. Mais ce racisme n'est pas aussi visible que le racisme qui est d'une violence et que je condamne tout autant envers les blancs qui est dans la violence physique. Mais c'est un racisme qui est beaucoup moins visible et que tu ne peux pas capter au premier regard. Adrien, la question que je te poserai, c'est, tu parles du racisme dans le monde professionnel, d'accord ? Comment ça s'illustre ? Parce qu'un employeur qui est raciste a priori ne va pas embaucher un noir en maghrébin. Donc, moi je comprends pas en fait ça, si tu veux. Le racisme dans le monde professionnel. Tu ne comprends pas le racisme dans le monde professionnel ? C'est-à-dire que. Comment ça s'illustre ? C'est ce que ces gens-là appellent le racisme systémique. Hein, dont on n'a pas été victime en Kaya Diallo, hein, sinon on n'entendrait pas non, il faut pas oublier qu'elle est sur TPMP. Donc, le racisme systémique, ce serait le refus de logement. Alors, je vais finir l'énumération pour que les auditeurs comprennent. Le refus de logement à des personnes racisées, hein, non françaises ou non blanches, pour être plus large. Le refus d'emploi. Le refus, je sais pas, de location appartement, j'ai peut-être déjà dit. Adrien. Moi, la question que je pose, c'est que ces refus-là qui existent, hein, faut pas les nier. Est-ce qu'ils sont dus à du racisme ? Alors moi j'ai réfléchi à question simple. J'ai réfléchi à ça. En fait, tout simplement, il y a un droit en France qui s'appelle le droit à la propriété privée. D'ailleurs, t'as dit tout à l'heure que enlever ce droit à la propriété privée, c'était du totalitarisme. Quand on est propriétaire de son entreprise, quand on est propriétaire de son logement, la discrimination en fait est une liberté, tout simplement parce qu'on choisit qui on veut à qui on veut donner la place dans son entreprise. C'est quand même quelque chose qui repose sur nos épaules aussi. À qui on veut donner la place dans notre logement, parce qu'on y tient, on a un attachement à cette propriété, tout simplement, on a envie d'avoir un contrôle. Donc en fait, la discrimination est naturelle. Elle sera faite de toute façon. Quand on vous donne plusieurs dossiers, vous en choisissez un. Il y a des critères qui vous font choisir. Et en fait, moi ce que je veux dire, c'est que quel que soit le motif, en fait, ça devrait être toléré. Papacito. Ben moi, j'ai envie de poser une question. Si le racisme est si institutionnalisé que ça chez les blancs dans les administrations, puisque c'est ça le sous-texte, c'est que les blancs sont les administrations et que l'État est blanc, et donc l'État serait raciste systémiquement. Moi, je pose la question, combien de personnes qui nous écoutent, et d'ailleurs qui le prennent en photo pour nous prouver, ont vu un noir dans un kebab, travailler dans un kebab. Opération témoin. Alors, il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest a été, alors le mot c'est en général, touché par la grâce de l'islam, non, colonisé, donc par le Coran et le fouet, si tu veux, à un moment il y a eu... Alors c'est touché par la grâce de l'islam. Voilà, touché, pardon. Alors, un peu de respect. On va se tenir au discours officiel. Donc les Sénégalais ont été convaincus par les gentils arabes de devenir des esclaves et d'accepter de lire le Coran, et de devenir musulmans et d'abandonner leur religion millénaire, bref. Donc je demande aux gens, combien de fois vous avez vu des employeurs maghrébins dans un restaurant arabe, dans un kebab, employer un salarié noir, et à contrario dans les restaurants africains, combien vous avez vu de maghrébins travailler? Voilà. Et maintenant je vais vous poser une autre question, combien de chroniqueuses TV vous avez vu qui étaient noires, alors que la télé est très certainement, enfin, en tout cas le patron de W9 ou de TF1 doit être blanc, hein. Je crois que je prends pas trop de risques en l'affirmant. En fait, moi ce que je m'aperçois, c'est que dans tous les postes, on va dire dans tous les secteurs tenu entre guillemets par des blancs, il y a des gens étrangers, ce qui est beaucoup moins vrai dans les secteurs qui sont par exemple les secteurs asiatiques ou dans les restos asiatiques, il n'y a jamais un maghrébin qui travaille ou un noir. Voilà. Alors juste avant d'enchaîner avec ça, on va lire quelques tweets, Fischer. Alors Ortec Patriote qui dit, pour Rokaya, tant que la France n'est pas noire, la France est un pays raciste. C'est ça. Et bien. Vas-y, parle plus fort. Et Cédric qui dit que Le racisme, c'est les anticorps d'une nation. C'est un mécanisme de rejet lié à un mécanisme de survie. Très bien. Tu voudrais les réagir à ça? Ouais. En fait, je suis pas d'accord. On va lire quelques-uns. Alors, je pense que ça, c'est le piège. C'est le piège justement que nous tend. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la méfiance vis-à-vis de l'étranger, celui qui n'a pas les mêmes valeurs que du groupe, est salutaire. Ça, c'est évident. Après, justement, les Occidentaux ont fabriqué des nations, et c'est en ça que, là, je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est en ça que je pense que ce sont des nations supérieures, parce qu'elles ont dépassé cette malédiction qui étreint énormément de peuples, qui est celle de justement être incapable à un moment de prendre l'étranger et de lui soutirer, parce que c'est ça au fait au final. Sa qualité. De lui soutirer au final ses qualités. Rome a énormément perduré parce qu'à un moment elle a été capable de prendre des Germains et de leur prendre ce qu'ils avaient de meilleur, de prendre des Perses et de meilleur. Ce qui ne doit pas devenir une règle et ce qui ne doit pas devenir même un modèle. Mais ça a existé et il faut se demander pourquoi nos nations, entre guillemets, historiquement, ont réussi à acquérir une situation supérieure. Quelqu'un veut répondre à ça ou... Non, mais juste pour rester 30 secondes sur ce sujet-là, sur les questions du racisme. Je note que les gens qui refusent des emplois par racisme aujourd'hui, leurs parents, on ne leur a pas refusé cet emploi. Puisque leurs parents ont bossé dans les industries, etc., etc., etc. Et deuxième chose, aujourd'hui, on constate une apartheidisation du territoire français. Concrètement, de plus en plus les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, les maghrébins avec les maghrébins. Donc aujourd'hui, je vais forcer le trait, mais où on est victime du racisme en France quand on est noir et maghrébin, puisqu'ils vivent entre eux quasiment. Le seul lieu de collision à la limite entre toutes les communautés, c'est le transport en commun. Tu vois. C'est même plus l'école, c'est même plus l'université, puisque aujourd'hui la séparation est tellement actée et prononcée que, de fait, où le maghrébin de Saint-Denis est victime de racisme de la part du blanc. Ravina, voilà. Question pratique. Je pense que, par exemple, en parlant de discrimination professionnelle, il y a deux axes qui rentrent en compte, c'est le racisme, mais également le racisme social, en fait. Il y a aussi une forme de racisme social. Explique-toi. Le racisme social, c'est un racisme vis-à-vis de la pauvreté. Ah. Quelqu'un de pauvre a moins de chances... discrimination sociale. Dans le contexte professionnel. Après, pour le racisme tout court, ça me semble tellement gros que je... Par exemple, moi, dans mon cas personnel, j'ai été confrontée à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle que mes origines ont été complètement un problème dans ma quête d'un emploi, alors que je suis diplômée. Comment tu peux le vérifier? Par exemple, premier job étudiant, ma meilleure amie, une blonde aux yeux bleus, et moi, même CV, même adresse, même tout pareil, 18 rappels, 0 rappel pour moi. Point final. Tu peux pas trouver d'autres explications. C'est sans doute une explication. Voilà. C'est peut-être une préférence. Mais en tout cas, mon cas, je pense qu'il n'est pas représentatif, déjà parce que je suis une femme et je pense qu'on est moins soumise, que les hommes, déjà. Absolument. Pour ça. Clair. Donc je pense que. Et en plus, je suis d'origine sri-lankaise et donc c'est aussi. Il y a plus de condescendance. Ta communauté n'a pas un passé terroriste, Mon cas n'est pas représentatif, déjà, il est beaucoup plus soft que ce que d'autres peuvent vivre. Donc. Je pense pas que ce soit possible de nier l'existence du racisme, et encore moins dans le racisme social. Et pour rebondir sur le fait que les parents ont trouvé du boulot et les enfants non, ils ne convoitent pas les mêmes postes. Non mais j'entends tout à fait, mais moi je te parle d'une réalité que je connais, qui est celle des cabinets d'avocats. Et bien moi, première chose, on nous parle toujours du féminisme aussi, les femmes sont représentées dans les professionnels. Dans les cabinets d'avocats, les femmes sont extrêmement représentées, extrêmement. Elles sont rarement moches, bizarrement. Même en haut. Bien sûr que oui. Donc moi, dans les cabinets finance, en haut, il n'y a pas de femmes et il y a aussi une forme de racisme social. Mais sans doute, si tu veux. Fini, Adrien. Mais ce que je constate, c'est que moi, les cabinets dans lesquels je suis passé, il y avait toujours de la diversité. Parce que même chez le bourgeois de gauche, c'est la mode, c'est cool si tu embauches un noir et un maghrébin, tu vois. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément de femmes aussi. Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes que tu dis n'existent pas, mais ils sont énormément à relativiser. Papacito, après on passe au don. Alors dans cette discussion de Bourges entre le cabinet de finance et le cabinet d'avocat, je vais amener ma petite touche de prolétariat. Je vais aller dans le sens de Pravina. Effectivement, elle a raison. Moi je me rappelle que dans la sécurité... Alors la sécurité à Toulouse, c'est qui a monté les trucs de sécu qui étaient déterres dans les années 60? Il y a quand même pas mal de pieds noirs. Et autant te dire que quand tu t'appelles Abdel Bachir et que tu amènes ton CV et que ton grand-père a dégagé le père du mec qui est censé être employé, effectivement, il peut y avoir un frein à l'embauche. Ça, c'est une réalité. Il faut pas le nier. Par contre, ce que je dis, c'est que ce racisme-là, il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, il existe. C'est vrai, moi, je suis d'accord avec Pravina, ce racisme existe en France, mais c'est microscopique par rapport à d'autres pays. Ce qu'on peut faire subir, par exemple la Russie, ne serait-ce que la Russie, si toi en tant que Sri Lankais tu vas là-bas, tu es un télétobise, ta tête est un manga. Il y aura la Coupe du Monde en Russie et le Maroc s'est qualifié, donc on va pouvoir constater ce que tu dis. Après il va vouloir donner le bon exemple, Poutine et tout, mais il ne faut pas oublier. Je te rappelle quand ils sont venus à l'Euro, là j'ai fait une vidéo dessus. Et même je vais être un peu, je vais m'aventurer dans un terrain glissant, mais... Donc il n'y a pas les mêmes supporters de foot en France qu'en Russie, c'est ça. Pravina est issu d'une communauté qui, même y compris au Sri Lanka, subit beaucoup plus finalement de racisme, peut-être. Oui, parce qu'il y a eu un conflit ethnique. Voilà. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que sur une hiérarchie, sur une échelle, la France n'est pas le, ne serait pas le pays voilà. le plus raciste. Non, mais on, c'est ça que je voudrais fermer le sujet. Je vous ai dit, on en parlera réellement en profondeur avec des intéressés une prochaine fois, et on posera notamment la question est-ce que le racisme est naturel ? Voilà, ce sera assez intéressant. On va passer au don. Alors, on a le Penix. Merci à toi qui nous dit. Personnellement, je trouve ça assez ridicule de se lamenter sur racisme anti-blanc. Je crois que ça nous rabaisse justement à tous les candoles non caucasoïdes qui passent leur temps à pleurnicher. Je suis d'accord avec lui. Adrien ? Moi, je pense que ce mec-là est une baltringue qui est un bourgeois blanc qui a vécu entre bourgeois blancs. Parce que quand on connaît cette réalité-là, on ne la balaye pas d'un revers de main et on n'a aucune connaissance vis-à-vis de cette réalité. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que le traitement vis-à-vis du racisme anti-blanc ne doit pas être le même. Être singé sur le traitement du racisme. Non. Et ça doit être un relent de. Écoutez, l'Europe, c'est un terrain blanc. Il faut que ce soit un relent identitaire pour moi. Ben, en fait, la différence, il y en a certains qui vont coller des tissus wax sur des coupes et des vêtements italiens. Nous, si tu veux, il y a la chapelle Sixtine, donc tu peux pas avoir le même complexe en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Non, mais tu vois, ça, je le dis sans complexe. C'est à un moment, ne faisons pas de la même façon. Ok. Voilà. On va lire la suite. Donc, sudiste des terres, qui dit merci à vous et pour compenser les FDP qui parlent du physique de la seule meuf. Papa Sto est le plus beau de toute façon, fin du débat. Oh, incroyable. Incroyable. Et on a Lâche ta balle. Merci à toi qui nous dit la vie idéale, c'est quoi ? Avoir papa. Merde. Avoir Papacito et Raptor en pote, puis Pravina en meuf. Putain. Oh mon dieu, c'est trop canon. Trop canon et intéressante. Continuez, vous me désintoxiquez des merdias de la semaine. Bah écoute, on a Cocho Nalal qui donne 69€. Bah merci à toi, c'est un très beau chiffre. Il donne souvent Cocho Nalal. Ah, Cocho Nalal ? Ah ouais, ok. Cocho et les choses. Ouais. Inviteras-tu le lapin taquin de ces quatre ? Alors, lapin taquin, on n'a pas entendu sa voix. On n'a pas entendu grand chose de la Pentaquin. Je crois qu'il tient à garder beaucoup de vie privée. Et c'est pas plus mal, hein, c'est pas un défaut. Donc, je suis pas sûr qu'on va entendre la Pentaquin, à part s'il écrit et qu'il lit avec la voix, robot. N'empêche que la Pentaquin a sorti une vidéo il y a longtemps avant de se faire suicider sa chaîne YouTube sur Okaï Diallo et son relativisme. Tout simplement le fait que quand on lui parle de quelque chose, elle te dit ouais mais il y a plus grave, ceci, cela, bref. Merci à toi donc Chanel. Diamant Noir qui nous dit 1€ de contribution à l'expulsion immédiate de Rakaya. Sans la colonisation, cette gourdasse vivrait à poil dans ce trou à merde qu'est la savane. Pas un merci, quelle ingratitude. Et écoute, ton don est pris. 1005 PS sombre, écoute. Merci à toi. Mettons Marlène Chapin en PLS, le défi de la semaine, drague de rue. Sinon, merci pour ces lives de qualité. Merci à toi. The Sailor qui nous dit « Pourquoi je soutiens ? Parce que je suis héros d'écouter Abosi. » Bah, il est très content, là. Il lève le doigt de bonheur. Vic Newton, merci à toi qui nous dit « On remercie les gauchistes de l'université Paris 6 qui ont fait fermer complètement la fac pendant 6 heures en introduisant 50 migrants dans un amphi. Bilan 10 gauchistes timides qui se sont fait taire par la police. » Bah écoute, ton message est passé. On a Luor qui nous dit merci à toi. Et tu penses que c'est un petit don, mais en vrai, c'est le PIB du Zimbabwe. Il donnait 3€. Je pense que c'est même au-delà. On a Anto, merci à toi, qui nous dit bonsoir messieurs dames. Bon, on l'a déjà lu tout à l'heure, hein. Ouais, monter en équipe et enculé. Écoutez quelques tweets, Fischer. Alors il y a Parasite qui dit moi je suis pas raciste parce que le racisme c'est un délit et les délits c'est pour les noirs. Oh putain mais. Faut pas lire ça, Fischer, il est nouveau. Il est nouveau, il sait pas encore ce que c'est un procès. Est-ce que t'as d'autres tweets? Là non. Le mec il en a 25 mais c'est tout de c'est la ça, ouais. Oh putain Twitter. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur ce sujet? Papacito, vas-y. Non, je voulais juste te dire qu'en fait ça va faire le lien. Oui, j'ai un truc à dire. Ah pardon, mais vas-y, ça me permet. Vas-y Adrien. Je rebondis sur une phrase qui était dite pendant le clash entre pour contre Bernard de je sais plus de la Villardière. Il y a une des chroniqueuses, je sais plus laquelle, qui lui a dit une phrase hallucinante. On est tolérant ici. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment à 10 à s'acharner sur une personne pour le faire abjurer, donc c'est l'inquisition totale. Et ils arrivent, il y a une distorsion mentale dans leur cerveau. Qui arrivent encore à leur faire dire qu'ils sont tolérants, alors qu'au contraire, ils n'acceptent pas le point de vue d'autrui, soit dit en passant. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une justification limite de l'agression de Dave Verdier. Donc, il faisait son reportage dans la cité, et il y a des jeunes, ouais. Pas d'agisme, il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont mis des coups de pression en lui disant, ici c'est chez nous, t'as pas dit bonjour. T'as pas dit bonjour. Papacito. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait de comment est-ce que les Blancs doivent essayer de combattre le racisme anti-blanc. Eh ben, je vous conseille de faire de la façon dont a fait Bernard Lavillardière. Il nous a montré l'exemple. Il a fait un truc à la française. C'est-à-dire qu'il a fait un truc de roi de France, en fait. On est venu pour des pacotilles. Il a pris sa tête de châtelain qui descend donner 5 euros aux Roumains pour le jardinage en bas du château, tu vois. Et en fait, il a esquivé, mais vraiment, l'expression de dédain et de répéter et de dire en permanence des choses vraies, de ramener à... Voilà, il a dit, voilà, il a dit... Fait ça en Colombie. Que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, je suis allé partout. Donc, c'est un mec qui s'est confronté aux narcotrafiquants. Il est allé voir des chefs de guerre, je sais pas où. Il allait en prison. Il allait partout, c'était dangereux. Et le seul endroit où il se fait emmerder... il le disait dans le reportage d'ailleurs, dans les images capturées où ils se font emmerder en bas des tours, il dit le seul endroit où on m'a empêché de travailler, c'est en France. C'est-à-dire qu'on a 1 million de petites frappes qui sont incapables de monter un vrai business pour arrêter de nous casser les couilles et faire de l'argent, qui sont en bas des tours et qui demandent aux gens de demander bonjour, pendant que Pablo Escobar inonde depuis les années 90 le monde avec de la coque. Écoutez, essayez d'acquérir du standard, ne serait-ce qu'en criminalité. Voilà. Alors, justement, quand il a dit sur le plateau, il a dit « Je risque ma vie pendant que... » C'est facile, il a dit à Gilles Verdès... qui, au passage, est une immonde serpillière. À l'horrible Gilles Verdès. Il m'a dit, moi, c'est facile de parler quand on est sur les petits plateaux TV, moi, je risque ma vie. Hein. Et Gilles Verdès, ça fait quoi? C'est-à-dire que le mec s'est dit, quoi, tu risques ta vie? En fait, il n'est pas du tout conscient que le mec fait des reportages avec des narcotrafiquants, comme tu l'as dit. Et surtout, c'est Gilles Verdès. Quoi. Mais c'est pris une claque par Joestar, hein, rappelons-le, voilà. Gilles Verdès n'est pas au courant que il y a des quartiers, le simple fait d'être blanc, tu es soupçonné d'être flic et donc d'être un ennemi qui vient empêcher le fonctionnement du trafic parallèle. Et au-delà de ça, Gilles Verdès n'est pas au courant que il y a des quartiers en France où tu es wanted, dead or alive, c'est tout. Anecdote personnelle, une de mes anciennes copines quand j'étais à la fac, je raconte mes romances, vas-y. Elle m'a dit cette phrase qui m'a traumatisé à vie. 100% de mes copines blanches ont subi une agression sexuelle ou un viol. 100%. Soit dit en passant. Et ça, Gilles Verdès n'est pas au courant non plus. Elle avait beaucoup de copines. Gilles Verdès qui est un récidiviste. Gilles Verdès qui a reçu, lui, une agression sexuelle en direct live sur le plateau quand il s'est mis à genoux face à... Face à Joestar qui est... non, face à sa... Ah oui, voilà. Ah, c'est l'espèce de femme. C'est le malaise du millénaire, ça. Ah ouais, il s'est mis à genoux devant une femme qui... Qui en a rien à foutre. Qui en a vraiment marre du Sénégal pour venir se... Qui avait... Non, non, elle avait l'air très amoureuse, hein, je crois. Voilà, c'est ça. Non. Qui est en dette de papier, c'est ça que tu d'ailleurs, veux. D'ailleurs, juste un petit truc. Voilà, ça, c'est l'homme de gauche. C'est Usul qui se fait tamponner sa copine, là, récemment, par un mec dans un film porno et qui nous dit que ça va très bien. C'est-à-dire que sa meuf va se faire charcuter, là, l'oignon par je sais pas qui. Tout va bien. Et Gilles Verdez qui prend un vent monumental sur le plateau devant toute la France. Voilà, si vous voulez être de gauche, vous serez des mecs comme ça. Régalez-vous. Et je précise que donc Gilles Verdès s'est pris une baffe par Joestar. Voilà. Il n'en a pas tiré les conclusions, il saignait. Giflé par un noir et conduit par une noire, Gilles Verdès, mets-toi à la vietnamienne. C'est Gilles Verdès, la serpillière, je pense qu'on peut finir là-dessus. Ah non, alors on va lire quelques tweets avec Fischer, ensuite j'engagerai sur Nadine Morano. Fischer. Alors il y a le cochon halal qui dit... Encore. Ouais, encore. Bernard est notre Chuck Norris français. Ouais. Et le Ligérien qui dit Gilles Verdès, ce funeste cul. Ce funeste cuck. Ok, on va lire quelques noms. Alex, tu peux nous afficher ça. Alors, on en est à où? On en est à Franck Brucius, très bien. Papacito, tiens, 2 euros pour participer à l'envoi d'un chapeau à clochette à notre saint bouffon. C'est vrai qu'il n'a pas tweeté ça. On fait comment? On a le jingle et tout. Franck. Mais Franck, réveille-toi là. Réveille-toi un petit peu. c'était tout. Ok, très bien. Moi donc je voulais passer avant qu'on passe au thème de la semaine, on va finir sur un tweet de Nadine Morano qui avait l'air révolté. Première question. Comment cela se fait que ce n'est pas la terreur de l'extrême droite Marine Le Pen qui se rebelle contre Rocket Diallo? Pourquoi c'est Nadine Morano? Elle est déjà mise en examen, on va pas s'en rajouter. Oui, mais j'ai d'autres réponses pour ta question. Donc c'est Nani Morano qui a parlé de Française de papier. Un commentaire, ensuite on finira. Quelqu'un a envie de commenter? Moi je pense que Rokhaya Diallo n'est pas une Française de papier, je pense que c'est une républicaine, c'est tout. Ouais. C'est une républicaine, elle est ce que le système va lui faire d'elle, c'est-à-dire quelqu'un qui rejette la France, et ça c'est pour tout le monde, hein. C'est aussi pour les Français de souche, hein. C'est le programme obligatoire. Et moi je pense que Nadine Morano aurait... aurait frappé, aurait vraiment visé à la tête si elle avait dit que c'est une républicaine. Sachant que concernant Marine Le Pen, moi je renvoie à une vidéo Marine Le Pen, Malika Le Pen, femme de gauche. Voilà, je renvoie cette vidéo. Je renvoie cette vidéo. Très bonne vidéo, je sais pas de qui elle est, papa. Juste voilà, sur l'allusion que vient de faire Adrien sur la République et la France qui sont deux choses différentes, encore une fois, lisez La France divisée contre elle-même. Tout est expliqué, vous comprendrez tous les mécanismes de détestation de la France, qui les a installés, comment on les perpétue, par quels moyens. Lisez ce bouquin, c'est une nécessité quand on démarre, je pense qu'il y a ça. Il y a peut-être avant, il y a peut-être Guérilla, il y a l'œuvre de Marceau pour rentrer un peu. Et quand on est bien dans l'ambiance, la France divisée contre elle-même, impeccable. Bon, bah écoutez, je pense que pour finir, je vais quand même rappeler quelques plats traditionnels. Donc au Nigeria, on a le rôti de chien. je sais plus dans quel pays, on a les burgers de mouche. Donc vous pouvez taper Mosquito Burger sur YouTube. Et en Haïti, on a les galettes, les pancakes de boue. Et les cuisses de grenouille, figure-toi. Ouais. Ça, je crois que c'est plus. Ouais, ce que je voulais dire, c'était qu'on était, assez loin du Wakanda et que il fallait bien que Disney et Marvel donnent des fonds pour qu'on ait un truc stylé en fait. Cela dit, pour apporter un peu quand même de, pour montrer que tu n'es pas un infâme raciste, le Raptor est venu il y a deux jours à mon mariage avec 200 noirs. Il s'est très bien comporté. Il n'a mis de coups de fourchette à personne. Il faisait 20 cm de plus que moi. Alors tout le monde, alors effectivement, tout le monde faisait bon 20, t'es gentil. Pardon. Il s'est très bien comporté. Donc, le racisme des petits, on en parle. Je vous préviens, j'ai une vidéo caution du Raptor dissident, donc c'est fini. Vous pouvez plus insulter les négrophobes. Bon, bah écoutez, on va passer à la pub et ensuite on abordera le thème de la semaine, les modérés. C'est parti. Alors, le thème de la semaine, je pense que le thème de la semaine est assez. Assez flou, assez nuageux, assez brumeux. Donc on va essayer ensemble de lever le voile, hein, si je puis m'exprimer comme ça. C'est les modérés. Les modérés, les tièdes. Donc c'est inspiré, il y en a qui demandent toujours... Il y a Tempo qui se secoue. Il y en a qui demandent toujours de citer des livres pour leur lecture personnelle. C'est tiré du livre d'Abel Bonnard qui s'appelle Les modérés. Et moi, je trouvais que c'était un sujet important. Un sujet important parce qu'il concerne ces gens qui ne souhaitent pas prendre de risques. Et en fait, vu que nous, on cherche à faire que les gens se développent au maximum, personnellement, etc., on sait que ça passe par la prise de risque et l'affirmation de soi-même. Les modérés sont des gens qui ne prennent pas de risques, qui sont des tièdes, qui essayent toujours de satisfaire le maximum. Et moi, donc je vais un peu commencer là-dessus. Je pense que c'est un pur produit de la démocratie et de la République, mais de la démocratie, parce que en fait, on essaye de plaire au plus grand nombre. Je sais plus qui a dit que la démocratie c'était la dictature des imbéciles ou un truc du genre. En fait, il faut comprendre que la démocratie, bon, je sais pas si des gens ici vont la défendre. Moi, ce sera pas le cas, Adrien. Non, moi je suis pour la monarchie absolue, droit divin. Moi, voilà, bon, ça fait pas l'unanimité ici, mais en tout cas. De toute façon, on en parlera plus en profondeur, c'est pas le sujet exactement. Mais pour moi, le fait d'être modéré est un produit de la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des stratégies politiques, il y a des partis politiques qui ont des stratégies et qui doivent être élus par le plus grand nombre. Donc ils doivent, dans leur stratégie, vexer le moins de monde possible. En fait, ils prennent le problème à l'envers. Ils ne cherchent pas à satisfaire forcément au plus grand public. Ils cherchent à ne pas vexer trop de gens. Et donc, ça force ces gens-là à, en fait, à trahir leurs idéaux, ils n'hésitent pas à trahir même certains qui osent les choses, j'en ai parlé dans le dernier live, qui osent avoir des positions moins modérées, en fait, mais tout ça, tout simplement par stratégie électorale. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction sur le sujet, pour que vous compreniez mieux ce que j'entends par les modérés, les tièdes. Et je vais laisser Papacito parler, vas-y. Alors, d'où vient cette espèce, justement, voilà, d'uniformité, où on a des gens, maintenant, qui sont, ils sont ni ça complètement. Attention, il faut pas confondre être modéré et être subtil. On peut avoir un vaste champ pour appréhender le monde avec toutes ses subtilités. Ça n'empêche pas qu'on va avoir des choses qui sont rédhibitoires ou qu'on va avoir des points d'ancrage desquels on ne voudra pas décrocher. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir une ligne de conduite, du panache, vous l'appelez comme vous voulez. Bref. Et en fait, je pense que actuellement la société de modération dans laquelle on est le résultat de la République. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un homme est enraciné à une culture, à un paysage, à une terre, à des pratiques, à un langage, à une identité, en fait, au final, quand les gens sont enracinés dans une identité, ils sont obligés d'avoir des partis pris qui sont violents et desquels ils ne peuvent pas démordre. Parce qu'en fait, ce sont des individus qui sont, entre guillemets, comme je pourrais dire, pleins, quoi. Ce sont des individus qui sont incarnés. Avec le confort de la modernité, avec la désindustrialisation, la fin du travail au champ et tout ça, on a des gens qui sont désœuvrés, donc on peut les appeler des intellectuels, ce sont des gens qui sont désœuvrés, les corps sont désincarnés, les âmes n'ont plus d'attache, les pays deviennent des hôtels, je vais citer notre ami Jacques Attali. Donc en fait, on se retrouve avec une population qui n'a plus de racines. Et quand il n'y a plus de racines, il y a un proverbe qui dit « le vent emporte tout sauf les racines ». Et bien, quand on n'a plus de racines, voilà, on est ballotté par le vent, on ne sait plus qui on est. Et c'est pour ça que tu as une pléthore d'individus qui n'ont plus rien à défendre, puisqu'en fait, ils ne sont issus de plus rien. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on défend ? On défend des valeurs qui nous ont été transmises par nos parents, par notre culture, par notre religion. La France est un pays où il n'y a plus de religion. La France est un pays où il n'y a presque plus de valeur puisque il a fallu renoncer à toutes nos pratiques pour rentrer dans le moule républicain. Donc, je vais parler de ma région, Toulouse, la fin de l'Occitan, la fin du Breton, la fin de plein de choses pour rentrer dans le moule républicain. Et au final, les usules, tous ces gens-là qui n'ont jamais totalement un avis délimité pour lequel ils sont prêts à aller débloquer la démocratie. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. Ben si, parce que regarde, il nous dit. Il faut aller débloquer la démocratie en allant tabasser du flic. Et au lieu d'aller tabasser du flic, la matraque, elle est dans mon lit plume, si tu veux. Non mais c'est-à-dire qu'on se trouve avec un mec qui dit aux gens... On a même c'est gratuit. On va m'accuser, vas-y. Non mais on a un mec qui dit aux gens, descendez, un intellectuel, donc un déraciné, un désincarné, un corps désincarné qui nous dit, oui, allez tabasser des flics, donc il parle de quelque chose d'imaginaire. Quand tu nous parles de ça, c'est comme si vous parliez d'Artax dans l'histoire sans fin, tu vois. Pour lui, c'est une fiction, tu vois. Donc quand il vous dit, allez vous battre contre des flics, si tu veux, et que lui, son militantisme, c'est d'aller percuter sa copine dans des vidéos payantes sur Pornhub. Le Monsanto du porno, comme a dit, je vais citer Ovidie. Au final, on voit que, justement, cette tiédeur, c'est là où on la coince. C'est là où on les voit. C'est pas un Serge Ayoub, c'est pas un mec qui descend dans la rue pour les casser des gueules au nom de ce qu'il pense. C'est un mec qui nous dit il faut faire la révolution internationale et qui finit dans une raie du cul. C'est Adrien. Moi, j'ai une formule qui est un peu violente, mais qui est vraiment au fond de ma pensée, que la gauche, c'est l'anti-vie. C'est-à-dire que quand tu... a pour structure anthropologique le déracinement et le reniement de toute culture, de toute civilisation, etc., tu arrives à quoi ? Tu arrives à l'homo economicus qui n'a comme seul horizon de vie, en gros, d'avoir une bonne vie d'un point de vue matériel. Et donc, aujourd'hui, avoir une bonne vie d'un point de vue matériel, ça passe par le fait d'avoir un bon CV, de ne pas être cramé. Et donc, ça passe par tous les conformismes, ça passe par tous les compromis. Et surtout, il faut rester lisse pour pouvoir être validé en tant que homo economicus. Si tu me permets une petite incise historique, d'où vient la formule des modérés ? Je serai rapide. Ouais. Dans les années 80 du 19e siècle, la gauche, c'est la gauche républicaine et l'Union républicaine. Jules Ferry et Gambetta. Je l'ai dit. Que se passe-t-il ? Il y a une poussée à gauche des socialistes et des radicaux socialistes. Et à droite, parallèlement, les monarchistes et les contre-révolutionnaires déclinent. Donc c'est l'ancienne gauche de Ferry et Gambetta qui arrive à droite. Donc des gens qui valident la République, la Révolution, compagnie. Mais la bourgeoisie catholique, elle, veut continuer à voter à droite, donc elle se met à voter pour ces mecs-là. Donc qu'est-ce que c'est que les modérés ? Les modérés, c'est les collabos de la République qui enserrent la bourgeoisie catholique dans des alliances institutionnelles en réalité totalement factices pour la ramener toujours dans le centre, dans le système. Dernier exemple en date, la manif pour tous. Bonne pulsion, anti-mariage gay et compagnie, puis au final ça est récupéré plus ou moins par l'UMP, les Républicains, Sarkozy, etc. Pravina ? Alors, Ce que je voudrais dire, c'est que dans un groupe, que ce soit une nation, une société, un groupe de personnes, petit ou grand, chacun a son rôle à jouer pour pouvoir faire avancer le groupe. Et de la même façon que dans un groupe, tu vas avoir un opposant, celui qui sera jamais d'accord avec tout le monde, avec la majorité, et qui va permettre aussi de dire au groupe, là on va droit au mur, il y aura aussi toujours celui qui jouera le rôle du « oui mais », « non mais ». Et qui a aussi son rôle à jouer, parce qu'il va apporter une pluralité dans les idées. C'est lui qui va apporter la nuance. Et c'est vrai que les modérés ne sont pas ceux qui vont changer le monde, ne sont pas ceux qui vont affirmer avec conviction leurs idées, mais ils ont leur nécessité dans la société. Et par exemple, quand on parlait du gauchisme, qui est souvent assimilé à une pensée molle, je crois que c'est aussi nécessaire qu'il y ait une... c'est de la même façon qu'on assimile les droitards à la rigidité d'une idée, c'est-à-dire c'est la droite traditionnelle, donc refaire ce qui existe déjà, le gauchisme s'y oppose par la remise en question de l'existant, constante. Parfois trop, justement, et du coup, ça assimile à de la pensée molle, et donc, elle pas ne pas avoir de fondamentaux. Alors, moi, je refuse qu'on limite les modérés à la gauche. Oui. Pour moi, en fait, la gauche, si tu veux, c'est affiché. C'est affiché, oui. Ils ont cette idéologie, etc. Moi, ce que je trouve insupportable, c'est la droite, en particulier cette droite... là, on a parlé avec Jeanne d'Arc, cette droite réactionnaire catholique qui ne va pas au bout... Cette droite, cette extrême droite qui ne dépasse pas la barrière psychologique qui a été imposée et qui est la marque de soumission de la France, qui est l'antiracisme. On va développer ça juste après, mais d'abord on va lire des tweets avec Fischer. Oui. Oui, il parle fort. Donc 7 ans de MMA qui dit « Les modérés, ce sont juste des gens qui n'ont pas le courage d'avoir des convictions. » Et qui n'ont pas le courage et qui en plus parasitent, dénoncent, pointent du doigt. Pour obéir à l'idéologie, pour se soumettre et pour être mieux vu, qui dénonce ceux qui osent le faire, qui parlent. Et ça, c'est dégueulasse. Fischer ? Et Théo hésite encore entre la République et le lubrifiant. Oh putain, la violence. Oh, ouais. On a un tweet, je crois. Non ? C'était un fake. Ah, c'était un fake, ok. Bon, bah, on va lire quelques donations, si on a eu. Tu peux nous mettre ça, Alex ? Voilà, ça recharge. On a Sekin, qui nous dit « Pourquoi le terme antisémite est associé à anti-juif alors qu'il doit normalement concerner tous les sémites, donc les juifs et les arabes ?» PS, Pravina, invite-moi à Colombo et on ira se baigner dans le Grand Rams. Putain, mais... Pravina n'est pas indienne. Mais je pense que c'était une blague sur l'eau du Gange, qui est particulièrement insalubre. vive la dissidence. Écoute, merci à toi. Quelqu'un veut répondre à cette question sur antisémite ? Avant que le live soit suicidé, quelqu'un. Ouais, Papesto. Mais il y a même un intellectuel juif, vous me pardonnerez, j'ai oublié le nom, qui a écrit un bouquin qui expliquait qu'il faut arrêter de dire antisémite, justement, et qu'il faut dire judéophobie, parce qu'effectivement, le terme est galvaudé, étant donné que les Arabes du Moyen-Orient, hein, je te parle pas de Mastaganem Industrie, les Arabes du Moyen-Orient sont aussi, certains d'entre eux, des sémites. Il me semble que le terme antisémite a été inventé par des Allemands fin 19e. Il me semble, c'est à vérifier. Très bien. Ex-random d'Ether, c'est pas la première fois qu'il donne merci à toi. Oui, alors quand on voit Pravina... Putain, mais arrêtez avec Pravina. Oui, alors quand on voit Pravina, on constate que l'immigration... Je crois qu'il faut que je le dise avec l'accent soralien, hein, j'ai compris. Oui, alors quand on voit la petite Pravina, hein, on constate que l'immigration sri-lankaise, quelque part, hein, a été positive. Hein, voilà, ça, faut le savoir. Continuez comme ça, les gars, vous gérez. Hein, voilà. Merci à toi, ex-random d'Ether. Et Vic Newton encore ou c'était remerciement alors encore Vic Newton je crois, remerciement à Papacito qui m'a donné un point d'ancrage mental dans le dernier live en faisant mon lit au carré tous les matins. Je réaffirme la vérité, c'est pas une blague, hein, mine de rien. Moi, c'est écrit dans plein de trucs, genre 5 bonnes résolutions pour arrêter d'être une merde. Personnellement je le fais pas, donc je suis pas un exemple, mais c'est pas une blague de faire son lit tous les matins. Je réaffirme ma virilité dans ma tête, le matin c'est bénéfique pour le reste de la journée. Tout à fait. Fluctuat nec mergitur, ça veut sûrement dire quelque chose. Merci à toi. Que pensez-vous de Génération Identitaire, bonne équipe ou pas? Moi, je m'intéresse pas, je ne suis pas trop intéressé. Tout ce que j'ai vu, j'ai vu des trucs assez, assez détestables. C'est-à-dire les types qui mettent du jambon au milieu des knackis ou je sais pas quoi. C'est assez ridicule. Alors, il y a peut-être des mecs déter. J'en ai vu un se coucher comme une merde à Toulouse. En disant non, nous, parce qu'ils donnaient des sandwichs au jambon beurre au SDF ou je sais pas quoi. Et donc ils ont été tout de suite pris par l'équipe BFM TV, nana raciste, donc ils se sont fait soumettre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, nous on n'est pas comme comme le parti de la France et les néo-nazis. On est... Donc voilà ce que je pense de génération identitaire. Papacito. Ben tout simplement, je crois que quand on est nationaliste, ce qu'on veut incarner c'est le panache à la française. Et il me semble que le panache à la française, il est autre part que d'aller foutre du jambon dans les rayons halal d'un supermarché. Je dis ça parce que j'ai vu une vidéo de MC Amor. Je suis désolé, je vais le nommer. Mais MC Amor, il est allé dans une épicerie, je sais pas où, une épicerie juive, déguisé en juif avec des avec des bouclettes, aller mettre du cochon dans la viande halal ou cachère, je sais plus. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Voilà. C'est... Les chevaliers ne font pas ça. Voilà. C'est pas ça la lutte. On va demander à Adrien d'arrêter de mettre des kicks à la table parce qu'apparemment ça a été ça a fait la remarque. Voilà pour te répondre. Après, c'est vrai que je connais pas bien le mouvement. Peut-être qu'on invitera un jour un de ses porte-paroles. Vince qui nous dit vous formez une bonne équipe. Merci à toi. Merci pour les sujets de discussion abordés. À quand le retour de Greg? Je sais pas, tiens, en fait là il va y avoir une tournante, je vais dire. Il va y avoir une belle rotation. Et peut-être après, peut-être juste après de l'esquin ou quelque chose comme ça. Et je suis là motivé pour le site web. On monte une équipe ou quoi? Je crois que Alex a déjà monté une belle équipe de 5 personnes. Désolé pour toi. Et c'est tout pour les dons. Il y en a un nouveau. C'est lequel? Non, on l'a déjà lu celui-là, Franck Brucius, on l'a déjà lu. Oui, donc voilà, quelqu'un voulait réagir quand j'ai dit que moi, les modérés, les pires, ce sont ce qu'on peut appeler les traîtres, en fait, de droite. Mais historiquement, c'est eux les modérés. Vas-y, Adrien. Historiquement, c'est ceux-là dont je t'ai parlé, c'est-à-dire ce sont les collabos de la bourgeoisie catholique qui visent à neutraliser la bourgeoisie catholique, incarnée aujourd'hui par des Valérie Pécresse, par des NKM, par des Bruno Le Maire, etc. Et ces gens-là sont les vrais collabos de la République. Tu évoquais aussi la soumission et la barrière psychologique, mais derrière c'est toujours la même chose, c'est que pourquoi les gens ont peur, de quoi les gens ont peur aujourd'hui? De l'ostracisme social. Ce n'est que ça. Et je vais te dire un truc, il y a une justice, c'est que moi je suis catalogué à extrême droite, on va pas se mentir. Comme tous ici, à l'exception de Pravina pour l'instant. Sauf que si tu veux, mais moi, y compris dans mon face à la société si tu veux, et ben moi je vais un petit peu choquer les gens, mais ça m'apporte beaucoup de clients, et ça m'apporte, enfin beaucoup, façon de parler, mais même aussi des clients qui pèsent dans la société. Oui, parce que cette bourgeoisie catholique, elle existe encore et elle sait reconnaître les vrais entre guillemets. Tu me permets trois citations rapides? Vas-y. Première citation, Jésus-Christ, je vomis les tièdes. Deuxième citation, Peggy, je méprise les hommes qui vont aux deux guichets. Troisième citation, le maréchal P, la vie n'est pas neutre. Quatrième citation, Daniel Conversano, chez Tepa TV, enfin chez Meta TV. Les modérés, et je m'en méfie comme de la peste, moi, hein, en se remettant la mèche. D'accord. Donc on voit entre Jésus-Christ et Conversano, il y a quand même eu un petit. Il y a eu un défaut. Ouais, là je crois que. Mais ils viennent tous les deux du Moyen-Orient. Il y a eu une dévaluation. Alors moi, on invitera peut-être Conversano à ces cas-là. Ah d'accord. Tu voulais dire quoi? Ouais, excuse-moi, je voulais juste dire un truc. Moi je me méfie de deux figures, dans la contestation et dans l'action. Il y a deux figures dans desquelles je me méfie. Les éternels tièdes qui disent toujours oui, mais alors est-ce que là ce serait pas intéressant de réintroduire du Nietzsche? Je vais pas les citer, YouTube en est rempli. C'est-à-dire que jamais dans l'action, toujours dans. Est-ce que là, on est dans la juste vérité vraie du bouquin de la bibliothèque? C'est-à-dire qu'ils sont inefficaces, inutiles. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, leur pensée intellectuelle est magnifique. Elle est vraiment, elle est ultra taillée. Dans le quotidien, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a éteint son ordinateur, il cuck. Il cuck de A à Z. Voilà, ça c'est une réalité. Et ensuite, il y a son opposé, qui est l'espèce de. C'est-à-dire que le mec donc se réclame du nazisme. Se réclame de Wagner. Alors, il y en a certains. Je suis désolé, je vais être obligé de nommer parce qu'ils m'ont attaqué la semaine dernière. Il y a certains mecs chez Démocratie Participative qui trouvent que je suis un infâme gauchiste. Des commentaires. Alors, oui. Voilà, c'est pas l'équipe. C'est pas l'équipe. On se tire pas dessus entre qui, nous. Qui ont dit que t'étais d'un gauchisme intergalactique. Voilà, je suis un gauchiste. Alors, je peux concevoir qu'on me trouve beaucoup trop. Comment on appelle ça? Multiculturaliste. Humaniste. Je peux comprendre. Il y a pas de souci. Par contre, je me méfie de ces figures-là parce qu'en fait, au final, il y a cette espèce de côté. Oui, alors. On va libérer l'Europe blanche, on va mettre des coups d'épée dans tous les noirs et les maghrébins et les non-blancs qu'on va croiser, ils ne feront jamais rien. Les adresses des mosquées sont sur Google Maps. À ce que je sache récemment, il n'y a pas eu de chevalier blanc qui allait attaquer une mosquée avec une Kalachnikov. Donc au lieu de faire des montages avec mon visage et celui de Jeanne d'Arc d'Orléans noir, tu vois, à côté, Bah écoutez, si vous êtes des guerriers teutoniques français du Mans ou de Sartrouville, eh ben allez trouver la mosquée près de chez vous et prouvez-moi que votre combat est vraiment J'appelle à Non mais justement c'est ironique, c'est que en fait ils disent ça et ils ne font pas, et d'ailleurs justement moi je me défends de ça, je mets de l'eau dans mon vin. Parce que je sais ce que c'est, contrairement à tous ces gens qui sont sur YouTube, je sais ce que c'est que la bagarre et le goût du sang dans la bouche. Et c'est pour ça que je fais le maximum pour éviter ça à la France, d'un point de vue... Ceci dit, on pourra pas qualifier le site Démocratie Participative de modéré. Pour le coup, ils ont plus ou moins le courage de leurs opinions. Je vais te dire, tu me permets aussi de rebondir ce que disait Papa Fisto, c'est que les grandes bouches d'extrême droite et les trolls d'extrême droite sont des gens qui vivent uniquement en cercle fermé. Voilà. Et ils ne sont pas confrontés à la société. Donc ils se permettent une surenchère que dans le réel et dans la société, ils ne s'autoriseraient jamais. Ou que, sans anonymat, ils ne se permettraient pas. Parce que moi, ces mecs-là, il y en a qui me donnent des leçons, je leur fais remarquer, moi, c'est ma vraie tête et c'est mon vrai nom. Hein. Soit dit en passant. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de cette personne qui fait l'apologie du paganisme, qui s'est retrouvée dans une émission? C'est quoi ce règlement de compte? Alors, écoute, dit comme ça, le nom, non, parce que... Mais qui fait... Qu'est-ce que t'as à dire? C'est-à-dire que quand tu as un physique d'informaticien obèse et que tu fais moins de 1m55, il ne faut pas commencer à dire « Alors moi, je me réclame pas du Christ, je me réclame de Thor, parce que Thor, il a un marteau, et que ça, c'est mes valeurs, et que je vais descendre dans la rue, je vais aller à Saint-Ouen, et je vais mettre des coups de marteau à tous les noirs et les paquis que je vais croiser. » Non, tu vas pas le faire. Tu vas aller te branler sur un hentai, sur X vidéo, et c'est tout ce que tu vas faire. Et après, tu vas prendre ta petite souris, tu vas aller sur le net, et tu vas laisser un commentaire méchant sous la photo de mon mariage, où je suis en boubou, petite merde. Bon, papa, c'est toi, il est compte à régler. L'intéressé se reconnaîtra. Je pense que c'est un peu éloigné du sujet. Peut-être revenir, moi, alors, sur les tièdes. Vous, alors, pas parce que si j'ai bien compris ta pensée, c'est que pour toi, les tièdes, les modérés, c'est des gens qui, en fait, n'ont pas les actes à la hauteur de leurs paroles. Non, je veux de la coquille vide. Ouais. Les corps et les esprits désincarnés. Ouais. D'accord. Ce sont des gens débranchés qui sont prêts à toutes les concessions, à tous les compromis pour maintenir leur train de vie et leur patrimoine. Voilà. Oui, il n'y a rien d'autre qui compte. Ça, c'est l'avis que j'ai plutôt les modérés. Pravina. Pour moi, les tièdes, c'est plutôt ceux qui sont. C'est pas ceux qui ont des pensées nuancées, ça, c'est pas des modérés pour moi, c'est ceux qui n'ont jamais d'avis, qui ne se mouillent pas dans leurs idées, ou qui ne cherchent pas à avoir d'avis. Ou qui présentent 4 avis et qui disent tous les avis se valent. Moi, alors, certains vont reconnaître certaines vidéos. C'est ceux qui citent, voilà, ça c'est ce que pense tel, ça c'est ce que pense l'autre, les deux c'est des connards, de toute façon, moi je suis hors de ça, il faut aller plus loin, quoi. Ça c'est ce qu'on appelle le coquisme absolu, c'est la tiédeur, et en fait ils arrivent à agréger autour d'eux des tièdes, quoi. Vous resterez en fait dans une communauté de gens qui sont inutiles, voilà, excusez-moi du terme. Mais je dis pas, ça peut être mal interprété. Oui, voilà, il y a une polarisation, il y a deux camps, choisissez votre camp. Même si parfois il y a des polarisations et il faut les stimuler. Mais quand vous êtes en mode il faut prendre de la hauteur, mais en fait quelle est ta prise de hauteur, quel est toi ton avis au lieu de dire oui tel il dit pas ça, c'est pas bien, l'autre en face il dit aussi de la merde. En fait, à un moment, il va falloir vous mouiller, les mecs. Vous pourrez pas être toujours dans la critique de ceux qui se sont mouillés sans jamais entrer dans l'arène. Et à un moment, votre existence ne vaudra rien tant que vous auriez pas existé par votre prise de décision. Pas parce que... Mais c'est aussi le résultat, c'est le fonctionnement vie scolaire, éducation nationale. allez, on va l'appeler Sven. Vas-y, parce que là, c'est tellement loin, j'arrive pas à comprendre. Alors, je vais te dire, Sven, le petit Sven d'origine scandinave, va frapper son camarade Martin. à 5 heures, après lui avoir dit, entre midi et 2, à 5 heures, je vais te niquer ta mère. Donc, Sven déboule, et il attrape Martin, il lui met une tarte. L'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend Sven et Martin, elle les amène dans le bureau, et pour ne pas briser la chaîne républicaine, l'alliance républicaine, elle va dire à Martin, est-ce que tu n'es pas sûr de ne pas avoir provoqué un peu trop Sven le Scandinave et de ne pas avoir mérité la branlée que tu as pris? Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation nationale fabrique des gens qui sont habitués à ce qu'à chaque le compromis, il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait tous les torts. La diplomatie. Si, de temps en temps, il y a des fils de pute, ils ont tous les torts et c'est comme ça. Voilà. Mais il y a un truc très profond derrière ce que tu dis, c'est que ce discours de, on va dire, de compromis, de consensus forcé, masque quoi ? Masque que les gens en face ont parfaitement compris qu'il y a un potentiel de nitroglycérine de malade en France et que si on n'est pas obligé de, enfin si on se rogne pas un petit peu, exactement, ça peut exploser aussi. Alors ça c'est un autre problème, mais au final les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que en gros on se recroqueville et on espèce de, on essaie de créer cette fiction d'un espace public complètement neutre duquel les rapports de force n'existeraient pas, dans lequel il ne serait pas la peine de prendre position, etc., etc., etc. Mais nous, la dissidence, nous allons ressusciter le panache, le risque et compagnie. Mais il a raison, c'est ça qui est, ce qu'on envie de dire. Parce que c'est profondément français. Exactement, le panache, récupérer du panache. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Je voulais dire que ça faisait la liaison avec l'autre sujet. J'essaie de retrouver mes esprits, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'étais interrompu par un petit tweet. Vas-y, Fischer, lis un tweet et après je vais essayer de me souvenir de ce que je voulais dire. Vas-y. Alors, il y a... Quand on regarde l'histoire de France, on peut remarquer qu'il y a toujours eu des modérés, passifs et des traîtres. Ça, c'est la nature humaine, hein. C'est partout pareil. Oui, c'est dans toutes les histoires. Ok, un autre tweet ? Là, non. Ok, merci pour... Merci. Écoute, j'arrive pas à retrouver ce que je voulais dire, mais c'est pas si important que ça. Quelqu'un a envie de finir sur ce sujet, sur les modérés, sur les tièdes ? Oui, je veux réenfoncer le clou sur le fait qu'il ne faut pas gommer les subtilités d'un discours. Mais en fait, il va falloir qu'à un moment, vous vous polarisiez et vous décidiez qu'à telle chose, on ne renie pas dessus. On ne revient pas en arrière. L'exemple que je peux donner qui va parler à tout le monde, c'est par exemple, j'ai besoin d'argent, je vais aller me faire esclavagiser par un patron, j'accepte de le faire pour mes enfants, mais je n'irai pas jusqu'à prostituer mes enfants. Mon point d'ancrage va être dans le fait que, contrairement à certaines communautés roms de France, je ne vais pas prostituer mon enfant par besoin d'argent. Je préfère mourir que me livrer à ça. Et en fait, c'est ça un point d'ancrage. Et c'est ça qu'on appelle le panache. Et plus vos points d'ancrage sont hauts, plus ils sont sans concession, plus en fait vous allez acquérir cette virilité, ce panache qu'on essaie d'insuffler. Bah moi d'ailleurs, je viens de retrouver ce que je voulais dire par rapport à la vidéo Michael Le Pen, mais même par rapport à toute cette gauche, bon, parfois qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Je pense qu'il faut se méfier et que c'est très contre-productif, c'est parasitaire. Il faut se méfier des gens qui ne souhaitent pas offenser, donc qui renoncent à la réalité dans le cas du gauchisme et de la droite antiraciste, de Malika Le Pen, qui renoncent à la réalité pour ne pas froisser, pour ne pas offenser. Et comme je reviens pour boucler la boucle. C'est lié à la stratégie électorale, c'est lié à la démocratie, au suffrage universel, c'est lié à tout ce système politique qui en fait n'a pas pour intérêt de défendre au détriment de ce qu'on peut penser de soi, de défendre la vérité, de défendre ses convictions, mais dans la tentative de faire des concessions, etc., ce qui est extrêmement parasitaire et contre-productif pour l'avancée d'un peuple et la justice réelle. Adrien ? Rien à ajouter, cher ami. Je citerai juste une phrase du général Lafargue. Ce n'est pas en rampant que l'on décroche les étoiles. Bien. Très bien. Pravinard, un autre ? Je vais applaudir. Ok, pardon. Il me semble qu'on a un tweet... Oui. On a un tweet, peut-être on peut avoir le jingle. Ok, est-ce que vous avez entendu le jingle parce qu'on n'a pas eu le retour son? Tu peux vérifier s'il te plaît, Alex, dans les paramètres là, de l'audio. Ouais, n'importe lequel, tu fais paramètres. Excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Tu fais paramètres, avancer. Ah, le son a été coupé ? Ouais, bon, bah, vas-y, coupe et on remet. Désolé, c'est toujours la merde. Le bouffon royal demande audience auprès du roi. Alors, Papa Sito ? Écoutez, je sais pas qui s'occupe des clés de l'oubliette, mais alors, l'oubliette, on n'arrive jamais à la fermer. Le bouffon revient à la cour. Il veut la lumière, donc allez, on va lire son tweet quand même par honnêteté intellectuelle. Donc, Franck Brusset, j'ai écouté un peu, mais j'ai d'autres choses à faire actuellement. Si le raptor dissident me veut m'inviter officiellement, qu'il me contacte en DM, je devrais être dispo les deux dimanches qui viennent. Hashtag rendez-vous dissident. Bah, je suis heureux de voir que Franck Brusset a diminué un peu ses exigences vis-à-vis de nous pour s'exprimer. Les deux dimanches prochains sont pris, mais je te recontacterai en DM pour la suite, Papacito. Et j'ajoute, et d'ailleurs le public m'en sera témoin, qu'à partir du moment où Franck décide de venir débattre, le panache, justement, dont je parlais, m'oblige à ne plus me moquer de lui jusqu'à ce qu'on fixe un rendez-vous et qu'il puisse venir débattre dans la sérénité. Donc je m'engage, si jamais Franck Brusset accepte de prendre rendez-vous et de venir débattre avec nous en gentleman, j'accepte de ne plus le ridiculiser puisqu'il a le courage au moins de venir, ce que n'a pas fait Usul. C'est ça. Et il faut lui reconnaître ce courage-là. Le respect sera gagné à tout jamais, même si on va quand même passer ce jingle-là. Par ordre du roi, envoyez le bouffon aux oubliettes. Bon, c'est pas encore ça au niveau technique. En tout cas, j'apprécie la démarche, évidemment, Ce sera intéressant. Ça permettra de discuter, tout simplement. Mais s'il a le courage de le faire, il nous montrera que, contrairement à Usul, il n'est pas qu'un homme de l'Internet et qu'il est capable de venir discuter avec nous. Et vraiment, j'espère que ça se fera dans la sérénité. Voilà. Moi, je n'ai encore à finir sur ce sujet. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore s'exprimer. Mais j'ai horreur aussi des gens qui disent... Oh, la droite, la gauche, c'est de la merde, de toute façon. Bon, ne vous exprimez pas sur le sujet, les amis. Si vous ne voulez pas prendre position, ne prenez pas position. Mais alors, ne faites pas subir votre avis. Voilà ce que je voulais dire. Fischer, Earth Fischer, est-ce que tu as des tweets à nous lire? Oui, j'en ai un. Vas-y, parle fort. Alors, Putain, vas-y. Quand on est modéré, c'est dur de choisir entre Israël et la Palestine. Très bien. Et une bonne sélection. Putain. Non, mais il n'y a pas grand-chose. Vas-y, Fischer. Pourquoi on est français aussi. Et une fois qu'on aura invité Franck Brusset, il faudra le réémigrer au bagne en Guyane. Très bien. T'es violent. Je vois que tu fais une bonne sélection. On a quelques dons à lire, Alex. Après, on va passer... il faudra que je lise après, juste après, c'est un petit problème technique. Tous les ceux qui font des dons via Streamlabs. Parce qu'à chaque fois, ils me spam, ils mettent support de stream. J'ai rien demandé sur la description. Donc, on les lira juste après. Ça commence avec Playa. Playa qui est juste en dessous. Qui nous dit... Ah non, pardon. De Balav, d'abord. Ce n'est pas Génération Identitaire qui a fait l'action dont vous parliez. Nous, c'est le bateau Défendre l'Europe. Oui, mais je crois que vous avez une branche de Toulouse. Hein. Je suis pas certain, mais bon. L'occupation de Solferino, etc. Sinon, vous serez chaud pour faire des conférences dans le réel afin de sortir du milieu geek. Avec grand plaisir. J'en fais déjà, moi. Ouais, Adrien en fait déjà. Patrick qui nous dit « Merci pour tout, les gars. C'est un plaisir, votre émission. On en apprend pas mal, tout en se marrant. Continuez. Merci à toi. » Nodocéphale qui nous dit « La venue de Virgita est prévue un soir. » Alors, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Virginie Ota, j'ai rien à dire contre elle. J'espère qu'elle le prendra pas mal, mais je trouve qu'elle a une voix insupportable, en fait. Alors, je sais que ça peut paraître extrêmement violent, mais voilà, le... je prends sa défense, elle fait un travail excellent. Voilà, c'est que... En fait, j'ai rien contre elle. Mais c'est pas possible. Mais on l'invitera. On l'invitera pas. Oh non, putain. C'est pas possible, on l'invitera. Non, je suis désolé. C'était déplacé, mais il fallait que ça sorte. Ce n'était que l'expression de ta subjectivité. Voilà, c'est ça. Mais dans le bien commun, on l'invitera. D'ailleurs, elle pourra nous parler de ce qu'elle pense de ses acolytes entre guillemets catholiques, que sont Jenny Bastier et Charlotte Dornelas. Oui. Entre guillemets, parce qu'il ne faut pas confondre le catholicisme et la religion conciliaire, qui sont deux choses totalement différentes. Désolé, il fallait que je le dise. Oui, elle pourra nous parler de la catholique Marion Maréchal Le Pen. Ben, traduction, c'est ce que c'est de dire Adrien, c'est en fait la différence entre Isabelle la catholique et le pape qui se met à genoux pour embrasser tous les pieds de Namibie, quoi. Tu Bergoglio vois. N'est pas pape, soit dit en passant aussi. Les femmes divorcées à 30 ans. Parabellum, qui nous dit « Merci pour ces super lives chaque dimanche. Je voulais savoir quelle est votre opinion sur le droit inhérent des hommes à s'armer, à se défendre et à monter des équipes. Et surtout, comment l'UE bafoue ce droit. Citation depuis la Suisse. » Eh bien, c'est très intéressant parce que la semaine prochaine, on aura Code Renault. Code Renault, le youtubeur pro-arme, etc. Donc, on discutera de toutes ces questions d'armes. Playa, merci à toi Playa. Ça compte si on monte une équipe, mais composée à 30% de congoïdes. Écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Ben, il y avait une très belle équipe qui était montée sur Meta TV avec Adrien et Tepa. Il y en avait un des deux qui était semi-congoïde. Ça fonctionne très bien. Il faut, à partir du moment où ces gens-là sont des patriotes convaincus et qu'ils aiment la France, il faut exclure personne. C'est la vie du gauchiste intergalactique. Voilà, voilà exactement. je plaisante pas. Grand un peu plus des gauchistes comme ça. Grand Suisse, c'est ça. Grand Suisse, à quand un live sur Raptor? Quelle vidéo. PS Pravina, non, en fait, on s'en fout, les gars, vous gérez. Merci à toi. Salaud. Anarcho-candoliste. Alors ça, c'est assez magnifique. Anarcho-candoliste qui donne 1,27€. Ça, c'est moins magnifique. Mais merci à toi. Le modéré est un gauchiste sans conviction qui suit les folies de la gauche, mais avec un train de retard et qui peut parfois arborer un conservatisme mou de façade. Fillon, par exemple. Fillon était plus du genre... tu vois, sur ses appuis. Tu vois, il était oui, prêt à esquiver. Ah, quand même. Bon, il s'est plié, mais il était prêt à esquiver. Il est face à des requins qui veulent voir des nazis partout. Ouais, c'est ça. C'était ouais. Tout pour les noms. Je pense que tu peux rafraîchir, il me semble qu'il y en a eu d'autres pendant que je parlais. Et après la pub, après la pause publicitaire, on lira les dons de Streamlabs, mais je vous invite à plutôt faire sur Tipeee Stream. On a Joe. Joe qui nous donne 5,42€, merci à toi. Je comprends pas ces centimes. Ça doit être un truc de monnaie canadienne ou je sais pas quoi. Mes montages n'ont pas vocation à desservir qui que ce soit, il faut le savoir. Papasto, Pravina, Jeanne d'Arc. Ah d'accord. Ah bien. C'est lui qui a monté, d'accord. Ah je sais pas. Non, c'est pas de toi qu'on parle. Je pense que c'était un montage. Fischer, il disait quoi déjà le montage? Il disait le bûcher pour ses traites, le bûcher pour ses atrocités. Et Papacito qui était derrière dans le public. Enfin bref. Silicioniste, merci à toi, qui dit salut Raptor, petit suédo-sémite du Maghreb. Je t'aime bien, même si tu pratiques la taquilla. Tu as invité Chris. Oui, oui, Chris de Minute Papillon m'a répondu. Il m'a dit que ce serait plutôt vers avril, voilà, pour ceux qui se demandent. Et Conversano, bah, je lui ai pas encore demandé. Et vas-tu prendre un first class sur PNL Airlines pour ta réimmigration pour le pays de tes ancêtres? Bah écoute, si ça peut faire, ça peut motiver les 10 millions qui suivent, c'est tant pis, tu vois, c'est tant pis. Moi j'ai internet, tu vois, si j'ai la fibre, ça me va, je continuerai à faire mes lives. Le fils de Tidio. Sven qui nous dit Macron est le roi des modérés. Exact, exact. Dara, merci à toi qui nous dit parce qu'un de mes dessins est enfin passé. Ah bon, il me semble que tes dessins passent tout le temps. C'est Alex à la régie qui s'en occupe, donc il faut voir avec lui, il faut régler ça avec lui. Par contre, il y a intérêt que ça arrive plus souvent, ou c'est toi que je vais caricaturer, réplique utile. Bah, très bien, ça arrivera plus souvent. De Balav, on l'a déjà lu tout à l'heure, c'est ça. Bah écoutez, je pense qu'on va passer au c'est quoi après déjà. Ah oui, c'est les bonnes nouvelles de la semaine, elles sont assez excellentes. Pour être noté. Et ensuite, ce sera le défi de la semaine où je vais passer quelques appels aux gagnants notamment et à quelqu'un qui veut monter une équipe. Donc écoutez, à tout de suite, juste après la pub. Les bonnes nouvelles de la semaine. Les bonnes nouvelles de la semaine, en fait, on va commencer. Alors, si tu peux me passer mon téléphone, parce que je viens de prendre en photo tout. On peut commencer avec la bonne nouvelle de la semaine, c'est on s'apprête, Henri de Lesquin s'apprête à lancer son parti PNL. Voilà, PNL, Parti National Libéral. J'ai en tapant PNL, alors j'annonce hein, cette partie-là de l'émission pour ceux qui ne sont pas encore habitués, c'est la partie où ça déconne un peu, on se coupe la parole, on déconne. alors, en tapant PNL sur Google, je tombe sur Parti National Libéral de la Roumanie. Alors du coup ça m'a fait un peu peur, je me suis dit si c'est pour finir en mode roumain, ça va pas le faire tu vois. Et donc le lancement du Parti National Libéral d'Henri de Lesquin, et je trouve la campagne assez drôle, il a compris quels étaient les codes d'internet et de la jeunesse, donc c'est assez louable. Et donc leur slogan c'est Saint-Louis plus l'ordinateur. Voilà, donc ils sont archéo-futuristes. Et je trouve ça excellent ouais. De ce plan, donc voilà, ça c'était la première bonne nouvelle de la semaine. Deuxième bonne nouvelle de la semaine. Attendez que je sorte mes petites notes. Putain, ça marche pas. Ben il y a déjà le cas Ujul. C'est Jawad. Attends. Mais Ujul, t'as bombardé que ça. Les gens ils vont me dire gna gna gna, vous êtes frustrés. Tu viens de te marier hein, au passage. Mais ça va ta frustration des cam girls? Ah oui, c'est vrai. Comment tu le vis ta frustration des cam girls? Ben écoute, faut organiser un combat entre ma meuf et Oli Plume. Oh là là. Et puis, ta meuf et Usul déjà. Ouais, entre ma meuf et Usul. Non, sachant que je passe le bonjour Oli Plume, on s'est parlé, c'est une fille qui est très gentille. Et elle a eu au moins le courage de venir m'expliquer sa vision des choses. Et je tiens à dire que, voilà, du coup, j'en mets un peu plus sur la gueule d'Usul. Parce qu'au moins sa meuf est capable de parler, quoi. Voilà. Ok, alors, en deuxième bonne nouvelle, on a Jawad. Jawad, star des réseaux sociaux. Assez formidable, hein, n'est-ce pas? Donc Jawad qui passe quand même de meurtrier à hébergeur, à relaxé de prison, puis à star. Oui. Pravina. Ça en dit long sur la société, voilà. Et sur ce qui attire la masse. Et alors, moi, qu'est-ce que ça me fait dire? Ça me fait, on n'a que ce qu'on mérite. Voilà, s'il y avait un commentaire à faire sur la France 2018, on n'a que ce qu'on mérite. Papacito. Ben, quand tu as, si tu veux, quand tu as Rokhaya Diallo et Cyril Hanouna sur tes PMP, eh ben c'est, moi je pense que c'est purement lié. Avec le fait que tu te retrouves avec un Jawad starisé, alors que c'est la complicité d'assassinat, bon il a été relaxé donc présomption de complicité de terrorisme. Voilà. Moi je te parle du mec qu'il a, ouais, de son pote qu'il a massacré au hachoir pour une, voilà, question de portable. Et si tu veux, je suis d'accord avec Pravina. et de la drogue qui refile à nos jeunes entre guillemets quoi. Et puis la façon de se comporter, empoisonne des gens. La façon de se comporter dans le tribunal, ça en dit long sur l'état moral de la France. Un mec comme ça qui est starisé après tout ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qui se passe? Je tiens à dire que président Duterte des Philippines, les petits qui s'amusent à faire de la drogue, ils finissent dans les sacs. Voilà. Voilà. Ouais. Adrien, commentaire? On arrive, donc vous inquiétez pas. Ok. je prends. Alors, si tu arrives, il y aura une chambre pour toi. Mais un petit commentaire quand même sur la société marchande. Tout simplement, c'est le résultat de la société marchande, c'est-à-dire que. Ça se vend, c'est quelqu'un qui fait du chiffre, de l'audience, donc ça se vend. Donc il va être mis à. On parlait tout à l'heure de la décomposition anthropologique qui s'illustre notamment par les modérés, mais la morale de l'histoire c'est quoi? Et ceci c'est un réquisitoire contre la démocratie, c'est que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger, quoi. Quelle que soit la merde qu'on leur donne, ils mangent, quoi. C'est dramatique, quand même. Ouais, et aucun commentaire sur. Alors ça fait vieux con, entre guillemets, mais aucun commentaire sur la nouvelle génération. Dont peut-être je fais partie, hein, même sûrement, mais même celle de 2000, etc., qui est complètement enfant. Il y a eu les enfants de la télé, il y a eu les enfants de Snapchat, tu vois. Donc, c'est terrible. Je crois vraiment que, là, je vais faire le vieux con, mais moi, j'avais 14 ans quand il y avait le premier programme de télé-réalité qui s'appelait Love Story. Love Story, voilà. Ouais. Donc, qui a initié, que je regardais à l'époque, hein, ouais, attention, ouais. Hein, qui a initié une nouvelle période, une nouvelle mouvance, une nouvelle manière d'être célèbre. Et donc, du coup, maintenant, les gamins ne veulent plus être écrivains, acteurs ou chanteurs. Ils veulent être célèbres. Ouais, point final. D'ailleurs, Pravina, vas-y. Et je crois qu'il faut se méfier de la curiosité à la bêtise, parce que souvent, les gens se cachent derrière le fait « Non, mais c'est juste par curiosité, pour au cas où, voilà. » Mais cette curiosité à la bêtise, elle a un impact beaucoup plus profond quand on s'habitue à voir de la bêtise constamment. Ouais, ça devient une sorte de référentiel, une normalité. Qu'est-ce que je voulais dire, déjà? Je voulais dire... ben, je sais plus. Voilà. Bah, tant pis, on va passer à la suite. La fibre optique débarque chez les Raptors Dissidents. Incroyable. Donc voilà, c'est pour la semaine prochaine. Ça, c'était la bonne nouvelle. Hervé Ryssen en prison. C'est une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle, mais ça permet d'aborder la chose. C'est bien que les bonnes nouvelles sont souvent ironiques. Hervé Ryssen en prison, délit d'opinion, d'expression d'opinion. On espère qu'il ne se suicidera pas, hein, parce qu'il a menacé de mettre fin à sa vie. Donc j'en profitais en fait des bonnes nouvelles pour l'apprendre aux gens qu'on pouvait aller en prison pour délit d'opinion, les saletés noires, tout ça. Non tout mais ça. Ceci étant posé, si tu me permets de dire un mot, vas-y. C'est que ce qui est comme scandaleux, c'est que donc pour des tweets, je parle pas du fond, mais pour des tweets on peut prendre du ferme, alors que tous les jours il y a des racailles qui passent, mais parfois pour la 10e fois devant le tribunal. Et qui s'en sortent sans prendre du ferme. Donc, indépendamment du fond et des idées d'Hervé Ryssen, je demande à ce qu'on prenne un peu de hauteur, je vais faire mon modéré, je constate que pour les tweets, on peut prendre du ferme. C'est quand même inquiétant. Ouais, sur certains sujets plus que d'autres. Et d'ailleurs, on accepte quand même qu'il y ait des individus, je pense à une certaine femme noire qui s'appelait Leonarda, je sais plus quoi, qui était passée à la télé, enfin bref, qui disent la France doit s'habituer à ne plus être blanche et chrétienne, etc. Bon, ça passe à la télé, et tant mieux, moi, parce que moi je suis pour la liberté totale d'expression. Mais voilà, c'est terrible qu'en France aujourd'hui, on doit autant faire attention à ce qu'on pense. Après, voilà. On peut aussi dire que quand on sait qu'on est attendu au tournant, faut pas jouer au con, il faut pas tomber dans la provoque gratuite aussi. Il faut quand même aussi dire ça. D'accord. Ensuite, la lettre raciste de la semaine. Alors, c'est une députée qui a reçu une lettre raciste. Donc, je vous invite à consulter l'écriture, le texte qu'elle a reçu. Moi, j'émets juste un petit doute, mais bon, c'est juste une pensée, hein, c'est pas une accusation. Je pense que si le mec était vraiment raciste, qu'il lui a envoyé la lettre, il aurait pas employé le mot noir. On parlait de démocratie participative tout à l'heure. Je crois que j'ai jamais vu le mot noir. Ça vient pas de alors. Si j'ai appelé le mot noir, ça vient pas de. J'ai jamais vu le mot noir utilisé. Et pourtant, c'est une référence. Alors, il faut quand même souligner avec cette affaire qu'on est dans un pays où il y a une députée noire dans un pays européen. Qui tendance est cannibale. Elle a mordu un taxiste pour ça. Il y a une députée noire en Europe qui reçoit une lettre. Donc ce pays est raciste. Elle est députée. Ouais. Quand est-ce que. Donc élue. On n'a pas vu. Voilà, donc c'est une élue subventionnée par la République. Je pense que jamais je n'aurai le salaire qu'elle a. Ouais. Et pourtant ce pays est raciste. Voilà, bon, après il faut se poser la question. Moi ce que je voudrais dire, c'est au-delà du cas de la lettre raciste, je trouve ça triste qu'on entende parler de députés pour la première fois pour ce type d'affaires et pas pour le travail de députés. Oui, c'est pas faux. Après le problème, c'est que quand ils font leur travail de députés, ils finissent par fermer des voies d'automobiles à Toulouse et à Hidalgo. On parle souvent mais, d'elle, mais c'est. Mais précisément, le travail des députés est fait pour être payé sans travailler. C'est le boulot de parlementaire. Oui, donc il nous reste que les scandales. C'est le seul métier au monde où tu es payé quand tu ne travailles pas. C'est le seul. Moi, si je ne travaille pas, mon cabinet coule. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais c'est comme ça. Ben, les députés, non, ça fonctionne, c'est bon. Alors, on a une dernière bonne nouvelle qui est, parce qu'en ce moment, il y a des élections en Italie. Il paraîtrait que le mouvement 5 étoiles serait en tête en Italie, donc voilà, pour ceux qui voudront se renseigner sur la chose. Dernière bonne nouvelle, et là je vais appeler un auditeur, comme quoi vous voyez, vous pouvez nous envoyer un mail au mail lurdvdissident@gmail.com. Et là un auditeur, donc, allô. Ouais, allô, salut Arthur. Ouais, salut. Alors je t'appelle, j'espère que les gens t'entendent bien. Donc toi... Toi, t'as un projet de monter une équipe à Narbonne. Vas-y, explique-nous brièvement, vas-y. Alors merci de ton appel. Bon, du coup, l'équipe, elle est un peu déjà montée dessus. On est une dizaine. D'accord. Donc voilà, programme du sport, de la muscu, de la boxe, un peu de formation intellectuelle. Après, on fait pas mal de sorties, on reste au bar, bon, on fait plus ça qu'autre chose. Bon, on a plein de projets en cours. Donc voilà, si les personnes sont motivées... Comment te contacter, c'est ça qui est intéressant. Comment les auditeurs DETER peuvent te contacter en toute sécurité, vas-y. Alors du coup, s'il y a des DETER, vous pouvez me contacter sur narbonne.équipe. Alors narbonne, Alex à la régie va écrire, vas-y, narbonne.équipe, vas-y. Voilà, narbonne avec deux n.équipe@gmail.com. Ok, narbonne.équipe@gmail.com. Ce que tu fais, en gros, c'est tu redonnes envie de se mettre au sport en collectif parce que c'est toujours plus motivant et un petit peu de formation intellectuelle, c'est-à-dire de la propagande. c'est ça le jeu. Ouais, après, voilà, on fait pas que ça, on sort pas mal les week-ends, on fait des restos, des bars, on fait un peu n'importe quoi aussi. Mais vous vivez Pardon. Narbonne, Lézignan, Sigean, tout ce qui est autour de Narbonne, faut me contacter, pas de soucis. Eh ben ok, parfait, le message est passé. Je te dis salut et bonne soirée à toi. Merci, et merci pour ce que tu fais, et bon courage à toute l'équipe. Écoute, merci, ça nous a fait plaisir. Merci. Allez salut, bon courage pour ton équipe, salut. Bien. Papa, cite toi en commentaire. Alors, je suis ravi parce que j'ai lancé ce tweet. Monter une équipe. Et il a du succès, je suis très content. Alors, qu'est-ce que nous a dit? Je sais combien c'est. Je sais pas. Bon, il a pas de prénom. L'équipier de Narbonne. Donc, monsieur Narbonoïde. déjà, je suis content d'avoir un Narbonoïde au bout du film. Tu vois, je me sens moins seul face à lui faire des lancers lignes. Je suis content. Donc, qu'est-ce que nous propose cette personne? En fait, elle propose du compagnonnage. C'est la base dans la chevalerie. Dans les histoires viriles, le compagnonnage, se retrouver entre hommes, faire des choses qui grandissent l'esprit, qui grandissent le corps, c'est un très bon moyen de se structurer parce que quand on fait du sport, on se socialise. Donc déjà, on va chercher dans les retranchements qu'on a au fond de soi. Ensuite, dans l'adversité, on va se révéler d'une façon différente de quand on est dans le confort socialement. Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est bien que les gens se réunissent? Parce que par le sport, par la nourriture, par le pain partagé, le vin bu ensemble, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses qui vont être abordées, qui ne seraient pas forcément... La camaraderie. Voilà, la camaraderie. Et c'est ça, en plus, c'est quelque chose, culturellement, dans la France, c'est quelque chose qui est vachement ancré depuis longtemps. Je parlais de la chevalerie la dernière fois. La camaraderie, le compagnonnage, quand on parle des ouvriers qualifiés, on parle des compagnons. Parce qu'en fait, les compagnons finissent par l'échange qu'ils ont entre eux, par avoir une très grande maîtrise du bois, de la pierre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit les compagnons. Et c'est ça qu'il faut chercher. Monter l'équipe, ça fait un peu, voilà, aller chercher des compagnons, c'est ça. Faites-le, parce que aujourd'hui, ça manque beaucoup. On est sur notre ordinateur chez nous. Ouais. Mais sortez chez vous avec des gens qui pensent un petit peu, qui partagent vos opinions. Vous n'allez pas vous embrouiller avec des gauchistes qui vont vous emmerder, vous pointer du doigt et vous cracher dessus. Sortez, vous allez vous amuser, vous allez prendre du plaisir. Et voilà, vous allez vous remettre au sport, etc. Vous allez kiffer. Ben déjà, juste voilà, je monopolise un peu la parole, mais il y a Narbonne. Voilà, Narbonne, c'est fait. Il faudrait faire une carte de France. Faire une carte de France. Voilà, une carte de France. Trouver équipe.com avec un hashtag équipe faite. Narbonne, je pense qu'on peut célébrer le truc. Narbonne est la première équipe montée en France, les gars. Donc bravo Narbonne. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? J'avais comme idée de faire un site. Parle fort. J'avais comme idée de faire un site monteuneéquipe.com en fait. Mais c'est énorme. Oui, on va diriger, voilà, ceux qui demandent un Discord. Discord, c'est pour les PD, tu vois. C'est pour les YouTubeurs. Moi, j'ai monteuneéquipe.com, tu vois. Voilà. On va monter des vrais trucs. Je vous le dis, vous allez vraiment prendre du plaisir à sortir. Voilà. Vous allez faire des potes et ça va être facile, le contact facile, parce que vous avez pas un ennemi commun, mais vous avez des choses qui vont vous souder. Vous allez vous amuser, vous allez pouvoir faire des blagues sans retenue entre guillemets. Il y aura aucun connard pour vous dire t'es sérieux là. Tu vois, quand vous allez faire une blague sur un Afghan qui lit du Victor Hugo. Et voilà. Et je pense que vous allez avoir la motivation de vous remettre au sport, de faire des trucs et ça c'est génial. Voilà. Quelques tweets R Fischer. Oui, alors, qui pour monter une équipe et faire une story d'une promenade en forêt avec Jawan? Il a déjà monté une équipe d'ailleurs. Sacrée équipe. Une sacrée équipe. Et, explosive. Si Papacito est un gauchiste, est un gaucho, je prends ma carte au PS. Non, mais c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut aussi relativiser, mais bon. Quoi d'autre, R. Fischer? Alors, pourquoi pas inviter Conversano et l'imam Abdel Fattah Rabi? L'imam Abdel Fattah Rabi. Ça fera trop d'arabes sur le plateau. Ah vite. Alors après on va passer au défi de la semaine où là encore je vais appeler, ce sera sans transition. Où là je vais appeler un autre qui est le gagnant en fait du défi de la semaine dernière. Mais d'abord on va lire quelques donations. Alex, tu peux nous afficher ça s'il te plaît. Ah oui putain, j'avais promis de lire toutes les donations Streamlabs. Eh putain, il y en a un paquet. Attends, je vais actualiser avant quand même. Oui. OK. ça commence le 4 mars, OK. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Mleh, petite coupe. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je dis mleh, la coupe, quand je monte mes chiens, là. Mleh, en arabe, ça veut dire bien, c'est-à-dire bonne, mleh, la petite coupe, voilà. Vivement jeudi prochain, la fibre, alors, bah ouais. Pour l'instant, ça marche impec, mleh. Le lien des dons Tipeee marche pas, par contre, si, il marche. Helvetiz, les caucasoïdes suisses vous soutiennent, merci à toi. Rudischer, heureusement qu'il y a eu les RSS, ancien nom de la Joint Task Force en Afrique du Sud, je connais pas, peut-être les autres connaissent, en Afrique du Sud pour maintenir un certain ordre à l'époque. Pas d'amalgame, qui nous dit Rocaille Dallou est chroniqueur à TPMP, une noire fière qui va prendre des nouilles chinoises dans le slip par un Pakistanais d'un mètre cinquante. Cosmopolite, quel Pakistanais tu vois, je comprends pas le... J'ai pas compris ton nom, Panamalgam. Rajil Vénère, mais toujours lui, au taquet, Rajil Vénère qui tweet, qui est vraiment... C'est la motivation qu'on veut voir chez les autres. Wesh, les organismes vivants. Dernier don pour un moment... Ah ben voilà, ça, moi je fais des compliments. Dernier don pour un moment, je vais économiser pour m'équiper et monter une équipe, continuer le montaf, enculé va. Ça marche, merci à toi. Calibre 12. Merci pour l'élève de qualité, une émission lourde chaque semaine, un petit tips pour rémigrer Rokaya ou Wakanda. Et bah écoute, merci beaucoup à toi, les 20 euros pourront payer deux places même, je pense. Chien du net, super émission comme d'hab, merci. Celte français, alors là tu fais une erreur. Les Celtes, je peux pas le répéter sinon je vais finir au Japon. Celte français qui nous dit, Rokaya Dello est dégueulasse. Bon, bah, très intéressant. Le bûcheron qui dit, un plaisir de vous écouter depuis le Canada. Pays à 70% des immigrés, c'est ce que Papastou a dit quand t'avais fait le coq de la semaine Justin Trudeau, mais aucune racaille de banlieue, aucune insécurité. Alors pourquoi en France on a des putains de Suédois qui nous cassent les couilles et nous victimes en bande? Bah écoute, je pense que c'est une différence de provenance et d'immigration. François Corse, merci à Papastou, ce Mac parle aussi bien qu'il écrit, utilise toujours des exemples concrets et marrants pour nous justifier des thèses très pertinentes. Et oui, notre ami Rokaya sera toujours plus présent à la TV qu'un agriculteur ou qu'un sudiste. Eh oui. Maxence, mais Papastou, on sent de l'amertume. Ah, mais je suis goûté, ouais, parce que on le sent par des gens qui... C'est vrai, c'est vrai. Oui, la semaine dernière, je vous parlais de la virilité. Je vous disais que la France est devenue la France d'aujourd'hui, quand on a commencé à se faire taper sur les doigts et se faire dicter la vie par des merdes, quoi. Et je pense que la présence de Rocket Diallo qui nous engueule, c'est un petit peu ça. Maxence qui dit, merci à toi. C'est marrant parce que je travaille littéralement dans les égouts. Voilà, ça me fait rire, désolé, y a pas de ce métier. Excuse-moi. Le mec fait un don alors que demain il va se retrouver dans les égouts. Station d'épuration à cause de mes études. Et bizarrement, on a zéro CV de femme. Bah oui, mais ça c'est évident. La parité, c'est que pour les postes que vous voulez, cassez pas les couilles. Et j'avais dit une fois, la dernière fois, je regardais des mecs qui faisaient des travaux, tu sais, sur les toits d'en face. Il n'y avait pas de meuf, tu vois. Et du coup, tu sais, les mecs étaient là en train de mettre des briques à 300 mètres de hauteur, tu vois. Bref. Ah, Ezekiel. Tad Chaussurovitz. Alors, je crois qu'il change à quoi son nom, mais on te reconnaît, Ezekiel, merci à toi. Toujours un plaisir d'écouter des bad guys. Voilà trois shekels. Blague à part, que pensez-vous du survivalisme à la Piero San Giorgio et Varg Vikernes? Je connais pas bien le survivalisme personnellement. Je trouve ça intéressant. Piero San Giorgio, on l'invitera si c'est si un préfet d'une émission. Ça sera un thème. Ok, parfait. Alexandre, qui dit, désolé, hein, c'est long, mais c'est très sympa à vous, très généreux. Alexandre, salut Papasto, la BD est géniale. Deux questions, a-t-on le droit d'écrire un coup de BD dans la carlingue? Un tome 2 est-il déjà en route? Alors le tome 2 est déjà fait, par contre Marceau a beaucoup de peine sur la planche, donc il faudra être un peu patient. Ouais. Je le connais, le projet, on va toucher un mot, mais je vais pas les dévoiler. Mais c'est du très très lourd, hein, je vous le dis, c'est du très très lourd qui arrive. Et les autres, bonne soirée. Plus sérieusement, envisagez-vous d'organiser des rencontres pour monter l'équipe? Pas pour l'instant. On a monté une équipe. Déjà, ce qu'il faut que les gens se disent, c'est que, et ça a été par le biais de Cro-Blanc, il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. C'est par le biais de Cro-Blanc qu'on s'est rencontrés. Donc oui, on a monté une équipe de youtubeurs, d'auteurs et tout ça. Moi après, ça m'empêche pas d'avoir mes équipes à Toulouse, dans mon club de boxe notamment. Voilà, donc c'est déjà fait. Mais une équipe est toujours. Mais nous, on préfère que vous montiez vos propres équipes. Voilà, c'est ça. Il faut être les acteurs de votre propre groupe de camarades, les gars. Même si on est super cool et tout, je sais qu'on va être mon pote et tout. Mais... Alors, le poutreur de Sarrazin, un grand plaisir de voir à vous avec vous. Ben. Les dédicaces. Français de pure souche. Rien à dire, les invités sont super, surtout Abouzi. Les sujets sont intéressants et on avait pas chez les Papesto. Félicitations et continuez. Merci à toi. Serge Dachaud, à quand un live avec Conversano? Il a le droit. Bah écoutez, puisqu'il est plus cité, je vais rentrer en contact avec lui. Mais bon, je vous avoue que si on invite Delesquin, Boris Solet, Conversano d'affilée, il va falloir quand même diluer un petit peu l'idéologie parce que ça risque d'être assez répétitif, bien que très intéressant. Le Bûcheron qui dit un plaisir de vous voir depuis le Canada. Et bordel, Code Reno, meilleur invité de Marc. Bah écoute, il appréciera, il viendra la semaine prochaine. Jean-Mal Daron, bonjour à ce cher Abdel Fattaraoui et à son équipe des terres, et merci à vous. Je fais pas mon rat, puisqu'en tant que fils d'agriculteur, je donne la moitié des revenus mensuels de mon père, ce mec des terres qui prend la nature par le col tous les jours. Bah bravo à lui. Ouais. Randomoïde, un leader qui se cache dans un trou à rat ne peut pas être stylé. Alors pourquoi Papacito aime-t-il tant Saddam Hussein? Oui, enfin, il s'est caché dans un trou parce qu'il avait une des plus grosses armées de la planète aux trousses. Quand il était en train d'exécuter des Kurdes, il n'était pas dans un trou, les gars, donc ne le jugez pas, quoi. Alors, merde. Français en colère, merci à toi. Il n'y a pas de neutralité possible entre le vrai, le faux, entre le bien, le mal, entre la santé et la maladie, entre l'ordre et le désordre, entre la France et l'antifrance. Merci c'est beaucoup. C'est une citation du maréchal Pétain. Ah, bah écoute, merci beaucoup, c'est... Absolu. Il n'y a pas de modération, il n'y a pas d'entre-deux entre la réalité et l'invention. Docteur Keck, 1488, merci à toi Docteur Keck. Rendez-nous Jeanne, le stagiaire est mauvais, c'est qui le stagiaire? C'est Air Fisher. Mais il n'est pas motivé, il n'a pas pris de café. T'as une réponse Air Fisher à dire? Ouais, je suis un peu enrhumé. Bah, incroyable. C'est Keck d'exception. Écoute, transition, on passe au défi de la semaine. Monte une équipe, non, c'est pas ça, c'est le défi de la semaine. Alors, quel est le défi de la semaine? C'est Papesto qui a eu l'idée, donc je vais lui laisser l'avantage d'expliquer. Alors, le défi de la semaine, cette semaine, c'est de proposer à Rocaille Diallo un partenariat. Alors, je te coupe, il est, c'est écrit en toutes lettres dans la description, mais vas-y. Donc, de proposer à Rocaille, parce que Rocaille Diallo a à cœur vraiment de réparer le mal qu'a causé la colonisation. Mais comme vous le savez, il n'y a pas eu qu'une colonisation, il y a eu beaucoup de colonisations. Et une des colonisations tentées mais échouées, alors peut-être à cause de l'organisation ou des impératifs d'horaire, je sais pas, a échoué aux portes de Poitiers. Cette colonisation, c'était la tentative de colonisation de l'Europe par les Almoravides et les Almohades musulmans et leurs troupes africaines, donc y compris les ancêtres de cette chère Rokhaya Diallo. Donc étant pour la réconciliation des peuples, moi je vous propose de d'envoyer vos courriers à Rokhaya pour lui demander un partenariat pour que dans le bon esprit, dans la bonne humeur, dans bon esprit, parce que le but c'est quand même qu'il y ait justice, réparation et on pour voilà. Que la Mauritanie, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie versent leur PIB. Voilà, versent une somme pour compenser les dégâts qui ont été occasionnés par la colonisation de l'Espagne et du sud de la France par les Arabes. Voilà, donc viol, acculturation, dhimitude. Ça a coûté beaucoup d'argent à la couronne de Castille et d'Aragon. Mais elle sera pour. Elle sera pour. Voilà, elle sera pour. Étant donné qu'elle déteste la colonisation, elle sera pour vraiment donner de l'argent et essayer de trouver un moyen de trouver de l'argent pour vraiment subventionner ce peuple européen qui a subi la colonisation africaine en 711. De 711 à 1492. Ben voilà. N'hésitez pas à lui proposer ce partenariat, à la contacter dans la bonne humeur. Toujours en... avec le sourire, j'ai envie de dire. Voilà. Écoutez, je vais appeler tout de suite le gagnant du défi de la semaine. En attendant, je vais vous rappeler les anciens défis, puisqu'ils sont rétroactifs, hein, si je peux dire ça. C'est s'inscrire à n'importe quelle salle de sport, d'arts martiaux, de boxe, de ce que vous voulez, tant que c'est du sport, d'athlétisme, n'importe. Et nous envoyer les preuves à lerdvdissident@gmail.com. Et tout simplement, après, on sélectionne un peu les dossiers. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Ok, ce fail. Cut. On va tenter de le rappeler, mais c'est un peu dommage. Tout simplement, après, on vous sélectionne, le meilleur dossier gagne pour la semaine, et puis voilà, on le remercie, on l'appelle. Là, donc cette semaine, c'est dommage qu'il réponde pas, je vais peut-être rappeler un petit peu après. Il nous a présenté des gants de boxe, il a dit que c'était remis à la boxe grâce à nous, et ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont arrêté, qui se remettent, parce qu'on leur insuffle peut-être ce qui manquait, cette petite dose de motivation qui leur manquait, ça c'est exceptionnel. Il nous montre Mass Effect 3, qui était un des défis de la semaine, pour le nombre de choix fascistes, c'est ça qu'il demandait. Ouais, ouais, Il y avait Turok pour se remettre un petit peu dans l'esprit de découper des dinosaures à la hache, hein. J'ai cru comprendre que c'était ça. C'était quoi d'autre les défis de la semaine? Il me semble que c'était déjà pas mal. Il y avait arrêté de fumer, mais ça remonte. Voilà, il y avait arrêté de fumer, donc. Arrêtez de fumer, voilà. Remettez vos sports, trouvez des compagnons, et d'ailleurs... Vivez sainement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser ce principe qu'on utilise pour les alcooliques, c'est-à-dire que chaque compagnon est responsable de son compagnon. Contrairement à Caïn et Abel, vous êtes le gardien de votre frère, et il faut absolument que vous tentiez de vous encourager les uns les autres, que vous surveillez. Allô, bah, je viens de rappeler, c'est Méric. Allô Méric. Oui, tout à fait, salut rappeur. Ouais, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Bonjour à toute l'équipe. Bah bonjour à toi. Écoute, comme tu le sais, tu es le gagnant du défi de la semaine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience, ton histoire? C'est fabuleux. Vas-y. Bah écoute, j'ai d'abord pensé à toi par rapport à l'histoire qui s'était passée à Orléans, étant donné que je vis à Orléans. Ouais. Donc, par rapport au... Et du coup, ça tombait bien parce que pendant ce défi de la semaine, justement, j'ai pris... c'est ma meuf qui m'a emmené là-bas, dis-toi. Parle bien fort. J'ai commencé le Krav Maga. Ouais, ok. Donc c'était plutôt donc cool. On va encore nous dire qu'on est financé par le Mossad, hein, mais... Arrête, non, jamais. Donc un gros big up en plus à l'association Krav Maga d'Orléans. Mais du coup, ouais. Une équipe là-bas, ça serait volontiers, franchement, donc s'il y a des gens qui écoutent cette émission, ouais. Moi je serai mardi prochain entraînement. Est-ce qu'il est mardi prochain ou ça? À la salle de Krav Maga d'Orléans. Ok, donc ça va, il devrait pas t'arriver dans merde là-bas. Normalement. Papesto, t'as quelque chose à dire? Ben écoutez, il y a un message qui a été pour tous les Orléanais qui veulent monter une équipe. Vous avez une adresse, c'est le club de Krav Maga d'Orléans. Quel est ton prénom? Son pseudo, c'est Méric. Méric. Donc rejoignez Méric à sa salle de Krav Maga. Essayez d'apprendre des trucs pour désosser des mecs en 10 secondes. Monter l'équipe, soyez protecteurs les uns envers les autres et veillez les uns sur les autres. Très important. Bah écoute, merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Voilà, bah merci à vous tous d'occuper le dimanche soir autrement que en regardant Cyril Hanouna à la télé. Bah écoute, c'est avec grand plaisir qu'on le fait et on est content d'avoir des retours comme les tiens. Écoute, merci à toi. Bah, ça me fait plaisir. Écoute, allez, merci à toi. Bonsoir live alors. Ah, écoute, bonne soirée. Allez, salut. Merci bien. Salut. Bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir, honnêtement. Bon, bah, on va finir là-dessus, je pense. Ouais. Peut-être un. Papesto. Adrien nous a parlé d'un ouvrage. Moi, oui, on va faire la pub de tout. D'abord, je voudrais remercier Nasty Tanuki, qui est excellent. Nasty Tanuki, qui est tout simplement excellent, qui nous fait toutes les animations de fond que vous voyez, la présentation des invités, tout. C'est magnifique. Et merci à lui, il a une chaîne YouTube, vous la trouverez très haut dans la description. Animation de points, Nasty Tanuki, sa chaîne YouTube, il fait des vidéos marrantes. Merci à Kitsune RFSA qui nous fournit des animations avec Vals, etc. Donc merci à lui aussi, c'est ça que vous voyez dans les animations de dons. Merci Kitsune RFSA, il y a une chaîne qui s'appelle YouTube Drama que vous trouverez dans la description aussi. Merci à Air Fisher pour sa première participation. Merci à toi Air Fisher. Merci à Alex de la régie. Grand merci Alex. Qui va bientôt, qui fait un travail extraordinaire. Voilà, et qu'on remercie, que toute l'équipe remercie. Qui va bientôt sortir un site monterunéquipe.com, un partenariat avec le Raptor Dissident, et ça va être du lourd. Ouais. Merci à Adrien Abosi, donc c'est toujours un plaisir de t'avoir, une très grande qualité d'analyse, etc. Merci cher ami. Donc tu as un livre qui s'appelle La France divisée contre elle-même, on le répète, qui est en vente aux éditions. Aux éditions Altitude, sur le site de la maison d'édition d'ailleurs. Le lien est dans la description. Et un livre dont vous voulez nous parler. Oui, tout à fait, qui est le premier roman de Romain Guérin que nous publions aux éditions Altitude aussi, qui s'appelle Le Journal d'Anne France. Un ouvrage d'une grande profondeur, d'une grande subtilité. Tu peux nous dire de quoi il parle en trois mots? Eh bien, c'est l'histoire d'une vieille dame qui sait qu'elle va mourir parce qu'elle a Alzheimer, et elle décide d'écrire son journal jusqu'à sa mort sur son ordinateur. Et ça lui permet de se rappeler de tous les souvenirs qui ont marqué sa vie. Et puis, donc, il y a des réflexions historiques sur la poésie aussi. Enfin, ça brasse beaucoup de choses. C'est un ouvrage très riche. Ok, très bien, merci. Papacito, merci à toi, c'est comme d'habitude super. Je vais sortir normalement deux livres au printemps sur deux sujets qui piquent. Qui piquent, comme tu fais pas partie des modérés donc. Non, moi je suis un garçon un peu énervé. Mais... Très bien, Papacito, merci à toi d'être là. Merci à toi de m'inviter. FDP de la mode, tome 1, toujours en vente. Vraiment, les retours sont incroyables. Il y a beaucoup de gens qui me postent les photos sur mon Twitter, je les remercie. Ils attendent le tome 2. Et j'annonce que mon blog, pour ceux qui connaissent Papacito depuis les débuts, mon blog a été fermé à plusieurs reprises, j'avais eu des menaces de procès. Le blog va revenir sous forme de papier via les éditions Ring, donc des articles inédits, il n'y aura pas de vieux articles, il n'y aura que des nouveaux articles, dans un bouquin à paraître, si je ne me trompe pas, l'hiver prochain, il y aura le retour, ça s'appellera les chroniques de guerre de Papacito, les carnets de guerre de Papacito, et il y aura 150 pages de nouveaux articles 100% FDP de la mode. Pravina. Pravina, parle de ta chaîne YouTube. Merci à toi d'avoir été là ce soir. Donc ma chaîne YouTube, Pravina Autodidacte, j'analyse le comportement humain et pas mal de développement personnel aussi. Quelques featuring. Aussi avec Frédéric Delavier, Stéphane Edouard et d'autres à venir bientôt aussi. Voilà. Très bien. Écoute, merci d'avoir été là. Alex, est-ce que tu peux nous afficher les derniers dons, hein, comme ça je pourrais faire ma petite pub moi aussi, hein, parce que quand même, il faut le rappeler que c'est mon émission. Hein, voilà. Alors, on a moi, bah tiens, quand on parle de moi, on a moi, merci à toi, Clédie Basque, français praticien médical, pour le travail effectué, pour l'invite d'une rêve dans la bioméca, l'ami Fred. Ah oui, excellent, Frédéric David, excellent. À très vite, à Fenouillé, 10 mars. J'y serai. Pas de dédicace, mais le plaisir de te fracturer les phalanges respectueusement. À très bien, merci à toi. Le sysadmin FDP. Merci à toi. Le domaine monterunéquipe.com, chercher des gens pour faire un site. T'inquiète pas, on va y travailler. Dara, le saviez-vous, les réseaux sociaux et l'internet français en général est le plus censuré d'Europe. Oui. Alors l'excuse, c'est que au Bataclan, on a censuré beaucoup de photos, des trucs. Tout le monde y croit, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une purge. Il y a une purge sur YouTube des chaînes YouTube de l'alt-right, notamment Sargon of Akkad, etc. Arcade. Je crois. Alors YouTube a accusé le stagiaire. Comme moi j'accuse le stagiaire, c'était assez drôle à voir. Mais c'est assez effrayant aussi. Sans parler de la suppression de la chaîne La Pataca. Bienvenue dans la France, Papacito. Félicitations pour ton mariage, je te souhaite plein de bonheur. À toi et à madame. Merci beaucoup. Merci à toi Dara. Gréviste. Gréviste qui dit Ave Noël s'est enjuvé. Ah bon? Ah bon? Ça c'est première nouvelle, je suis pas sûr. Alors d'ailleurs big up à Ave Noël, gros dédicace à Vorsky qui met toujours des vocaros pour donner son avis, et dédicace à tous les autres, à Larry Quintero notamment. Et malheureusement j'aimerais faire une dédicace à JVC, mais jeuxvideo.com est un peu mort, Il est devenu jeuxvideo.cuck, hein, avec une arrivée massive de mélenchonistes, puis une censure massive due à l'épisode Nadia Dame, que je déplore, les 410, les pages qui sont 410, etc. Donc voilà, désolé jeuxvideo.cuck, mais c'est dommage. Faites la rémigration sur Ave Noël, les gars. Nettoyage. Bon, le pseudo est vraiment... ça, c'est des peines que je vais encourir. Merci à toi, Nettoyage, eux. J'adore le design et l'animation de vos vidéos. Merci à Nassi Tanuki. Vivement invitation de Henri. Amen, mes frères. Bah écoute, moi, Henri, vivement son invitation. Par contre, on m'a dit qu'il était un peu dur de la feuille. Donc j'espère qu'on pourra quand même... l'interrompre. Mais ça va être énorme. J'espère qu'il me fera le grand plaisir d'être là. Voilà. On voit qu'il ne fait pas de dons, hein, d'ailleurs. Mais bon. Romain. Merci à toi, Romain. Un mois déjà que je pousse à Assad grâce à toi, Raptor. Bah, ça me fait plaisir. Vive les défis de la semaine. Les 7000 personnes qui regardent, il est temps de se lever et de reprendre votre vie en main. Voilà. Merci, Romain. Shlomo coïncidence. Excuse-moi, j'ai du mal à parler. Très bonne émission. Attention au suicide tout de même. C'est sûr qu'en s'appelant Shlomo coïncidence. Post-scriptum. À quand un Tipeee pour offrir un billet RPNL à Jawad? Bah écoute, il y a eu suffisamment de dons pour déjà prendre Rocaille Diallo et Jawad. Hein. Là, on a deux destinations phares pour RPNL. Pandragon, merci à toi. Salut à tous. Est-ce que tu penses inviter Chris de Minute Papillon, Catchbutt? Oui, Catchbutt, oui, pourquoi pas, c'est vrai, je vais le contacter. Chris de Minute Papillon a accepté pour avril, il me semble, là, il est occupé. Qui a, au moins à mon sens, des bonnes idées politiques. Merci et c'est cool. Que Code Reno passe la semaine prochaine. Ouais. Oui, Chris, notamment, je voulais me friter un peu sur le QI avec lui, mais on va éviter de faire de la répétition. Tu peux m'afficher les Streamlabs, s'il te plaît, pour voir si on a eu des nouveaux. Je crois que oui, Arthur. Dis, Papacito, je suis fan de courses sur route moto, en particulier en énorme couille nord-irlandais nommé Michael Dunlop, mais Michael Dunlop. Toi qui aimes la violence, va jeter un coup d'œil. Ok, je vais faire ça. Ok, donc tu peux être sûr qu'il va pas le faire. Irréductible Gaulois. J'alimente les fonds de montéquipe.fr. Merci à toi. Et je crois que c'est Dr Cake. Oui, rendez-nous jeune, je l'ai déjà lu. Écoutez, bon bah merci à tous en tout cas d'avoir été là. J'en profite pour faire ma petite pub pour tous ceux qui sont intéressés par du coaching sérieux avec un coach diplômé qui travaille avec moi et qui est mon coach d'ailleurs. Tous ceux qui sont intéressés donc par la création de programmes personnalisés, création de diètes personnalisées, suivi mensuel, vous pouvez nous contacter. Toutes les informations sont dans la description et toutes les informations, tous les visuels, etc. des avant-après sont disponibles sur mon Instagram RaptorVSFont. Voilà, n'hésitez pas. Je veux dire, vous pouvez envoyer un mail à raptorcoachingpro@gmail.com tout simplement pour poser vos questions, demander. Le coach sera un plaisir de répondre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Donc écoutez, je suis très content qu'on ait des gens à appeler chaque semaine pour le défi de la semaine. Je vous remercie tous les invités d'avoir été là. Je vous remercie à Régis, je remercie Fischer pour sa première. Et écoutez, à la semaine prochaine, vivement dimanche.